Auditrices et auditeurs, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémozo, anciennement Radio Trait d'Union, au début c'était Radio Trait d'Union, puis après on a habité chemin du Guémozo, le Guémozo c'est un ruisseau, et on a changé de nom, voilà. Et puis ben, maintenant, c'est comme ça. Alors, le calendrier des esclaves et des libérations de ce soir, le programme, c'est le calendrier bien sûr, hein. Ensuite, les agriculteurs, nous exigeons des prix planchers, signé Mathilde Panot de la France Insoumise. Ensuite, Panot France Insoumise, BFM TV, sur BFM TV, alors quelques petites coupures. Remaniement, le peuple français veut une rupture, pas des chaises musicales. Alors, moi, Falmarès, migrant à 14 ans, qui raconte pourquoi et comment. Palestinien, Israël, génocide. Les tirailleurs massacrés en 1940. Et puis une petite revue de presse, et ce sera tout pour ce soir. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't stay. I said something wrong. Now I long for yesterday. need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Calendrier des esclavages et des libérations, que s'est-il passé le 5 février ? Eh bien, le 5 février 1526, en France, le tribunal de Saverne fait venir les prisonniers détenus dans la forteresse du Haut-Rhin et condamne à mort les dirigeants du soulèvement paysan. 1526, mouvement paysan. Vous vous rendez compte, nous sommes en 2024. Eh oui, toute ressemblance entre l'histoire ancienne et l'histoire récente, et le présent, et l'avenir, bon, c'est dû au hasard, bien sûr. L'intelligence humaine n'est pas responsable de... Bon. 1898, France. Les bobineuses en grève à Roubaix sont remplacées par des femmes qui attendaient du travail et qui acceptent 1 franc 60 de l'heure au lieu de 2 francs 50. Eh oui. 1802, France, Haïti. Bonaparte envoie à Saint-Domingue une colossale expédition militaire pour récupérer la colonie et rétablir l'esclavage. Toussaint Louverture y répond par la guérilla selon une tactique révolutionnaire qui annonce Mao Tse-tung. C'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est l'auteur du petit livre que je suis en train de lire. Hein, et oui, oui. 1902, France, le temps de travail quotidien dans les mines est limité à 9 heures. 9 heures seulement. Oh, bon. Oui. 1918, Russie. Séparation de l'Église et de l'État. La religion est déclarée affaire privée. 1919, Espagne. À Barcelone. Suite au renvoi d'un ouvrier, une grève éclate à la canadienne. Cette action va opposer le jeune syndicat de l'eau, du gaz et de l'électricité à une multinationale toute puissante, la Barcelona Action Light and Power Company. C'est de l'espagnol, hein? Ah oui. Barcelona Action Light and Power Company. Comment le parle sur les radios libres, sur les radios locales, enfin, radios locales, parce que libre, hein. Faudrait prouver. 1923, Allemagne, en Sarre, début d'une grève de 100 jours contre les diminutions de salaire. 1923. En 1923, il n'y avait que 6 millions de chômeurs en Allemagne, pour 60 millions d'habitants. Et ben du coup, en 1924, les Allemands n'avaient que 40 députés nazis au Reichstag, hein. Et puis quelques années après, ben ils n'ont eu qu'une soixantaine, ils n'ont eu qu'une dizaine de millions de morts du fait de la guerre mondiale, qui s'avait déclenchée par un bulletin de vote. Bon, un bulletin de vote qui déclenche une guerre mondiale qui fait 10 millions de morts, hein. Tout ça à cause de 6 millions de chômeurs. Ah, c'est pas en France qu'on verrait des choses pareilles. Actuellement, on a quand même 6 millions de chômeurs, mais pour 64 millions d'habitants, et peut-être même un peu plus de 64. Hein. Voilà. Alors, Allemagne, en Sarre, début d'une grève de 100 jours contre les diminutions de salaire. 1923, Italie, 4 mois après la prise du pouvoir de Mussolini, des centaines de socialistes sont arrêtés. Ah. Mussolini a arrêté des socialistes. Et Mussolini a arrêté les gens de gauche. Hein. Eh oui. Il les mettait en camp. Pour chaque regard que nous jetons en arrière, il nous faut regarder deux fois vers l'avenir. Pour chaque regard que nous jetons en arrière, il nous faut regarder deux fois vers l'avenir. Voilà un beau proverbe. C'est un proverbe arabe. 1925, Tunisie. Suite à une grève des ouvriers tunisiens de la société Chaux et Ciment Thermes, et de la solidarisation des ouvriers agricoles du domaine de Potainville, les dirigeants syndicalistes de la CGT, Confédération générale des travailleurs tunisiens, sont arrêtés et inculpés pour, entre guillemets, complot contre la sûreté de l'État. Fermons les guillemets. Les cultivateurs qui font des choses avec leur tracteur, leur citerne de lisier, tout ça, non, c'est pas un complot contre la sûreté de l'État. Hein. Non, faut pas tout mélanger. Puis c'est en 1925 en Tunisie. 1930, Chine. Dans une lettre à Lin Piao, Mao Tse-Tung écrit « L'essor révolutionnaire est semblable au navire dont la cime des mâts est déjà visible à l'horizon lointain. Il est semblable à l'enfant qui frémit déjà dans le sein de sa mère et qui verra bientôt le jour. » 1930, Chine. 1967, Tanzanie. La déclaration d'Arusha fixe un modèle de développement du socialisme spécifiquement africain, connu sous le nom Jwaili, esprit de communauté en français. 1968, France. Le travail reprend à la Savième, à Caen. Les résultats obtenus sont assez maigres. 1969, Italie. Grève générale unitaire sur les problèmes des pensions. 1971, France, une note secrète de la direction de l'IP explique la procédure et les astuces permettant de refuser la parole aux représentants du personnel au conseil d'administration. 1977, Tanzanie, fondation du nouveau parti unique, le Revolutionary People's Party. Hein, en Tanzanie, c'est du tanzanien, sans doute. À moins que ce soit une radio locale, il garde en gros la même orientation que les deux autres partis qu'il remplace. 1981, Brésil. Face au vol de la terre par les grandes sociétés multinationales, oui, les évêques du Brésil déclarent « Nous lançons un avertissement évangélique à ceux qui ajoutent maison à maison » et joignent champ à champ au point de prendre toute la place et de rester les seuls propriétaires de la terre, ainsi que le dénonçait déjà le prophète Isaïe. 1982, Afrique du Sud. Détenu au secret depuis novembre, Haïl Agheti, 28 ans, responsable du syndicat de l'alimentation, est trouvé mort dans sa cellule de la prison de Johannesburg. Il est le premier blanc, mais le 46e détenu a décédé dans les geôles, dans les prisons, depuis 1963. Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Comme les autres, vous aimez la France, j'en suis sûr, même vous l'aimez bien. Mais sous votre pantalon garance, vous êtes restés des citoyens. La patrie, c'est d'abord sa mère, celle qui vous a donné le sein. Et vaut mieux même aller aux galères que d'accepter d'être son assassin. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime. salut, salut à vous. À votre geste magnifique, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Espérons qu'un jour viendra en France où la paix, la concorde règnera. Ayons tous au cœur cette espérance que bientôt ce grand jour viendra. Vous avez jeté la première graine dans le sillon de l'humanité. La récolte sera prochaine et ce jour-là, vous serez tous fêtés. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Bienvenue dans le 6-9 sur LCI. Vous êtes président du groupe LFI à l'Assemblée nationale, vous-même élu du Val-de-Marne. Que doit dire le Premier ministre aux agriculteurs à l'issue de cette réunion? Déjà, est-ce qu'il doit, selon vous, leur parler tout de suite, là, ce matin? Ah bah oui, je pense que là, il y a urgence. Et la première des choses que devrait dire le Premier ministre, que nous demandons depuis longtemps, c'est que les paysans et les agriculteurs de ce pays puissent vivre de leur travail. Parce que la question qui est posée actuellement, c'est que vous avez 20% des agriculteurs qui sont pauvres dans ce pays, avec des gens, et c'est pratiquement le métier qui fait le plus d'heures en moyenne, qui font jusqu'à 54 heures en moyenne, et qui pourtant se retrouvent à la fin du mois avec moins d'un SMIC. Vous le savez, la manière dont a été laissée l'agriculture au marché a non seulement fait une agriculture sans paysans, ça c'est la première des choses, mais a aussi créé un monde de malheur avec un paysan qui se suicide tous les deux jours dans notre pays. Mais alors du coup, c'est quoi la première mesure, Madame Panot, selon vous, l'urgence absolue, là, tout de suite? L'urgence absolue, c'est les prix planchers. J'explique ce que c'est les prix planchers. C'est de dire que les agriculteurs, on ne peut pas leur acheter leurs produits à moins que ce que ça leur coûte à produire et leur rémunération. C'est ce que nous avions proposé. Alors, non, ça ne fonctionne pas parce que ces prix planchers ne sont pas mis en place. Nous l'avions proposé dans la niche parlementaire le 30 novembre 2023, dans notre niche parlementaire. Il se trouve que cette proposition de loi n'a pas été adoptée à 6 voix près. Nous la tenons toujours à disposition du gouvernement. Donc, ce que nous proposions, c'est des prix planchers et un encadrement des marges. Je vous donne 3 chiffres pour que tout le monde comprenne. L'année dernière, l'inflation que connaissent les Français a augmenté de 14%. Pendant ce temps-là, les prix agricoles ont chuté de 10%. Alimentaire, vous voulez dire? Sur l'alimentaire, ce que les gens payent quand ils achètent un produit. Mais le prix payé aux producteurs ont, eux, chuté de 10%. Donc vous voyez où est passé l'argent? Eh bien, dans l'augmentation des marges, avec une augmentation entre 28 et 48% des marges. Donc nous demandons un encadrement des marges qui va avec. Sauf que les négociations commerciales, pour expliquer les choses aux gens qui nous regardent, elles prennent fin complètement là, le 31 janvier. La première partie a pris fin à la fin il y a un mois, et là, il s'agit des géants, ils finissent de négocier là. Donc c'est trop tard pour encadrer, c'est trop tard pour peser sur les négociations. En fait, la question c'est est-ce qu'on continue avec de l'incitation ou c'est, vous savez, où on se moque régulièrement de lui à raison, Bruno Le Maire demande, Bruno supplie, invoque et des choses, et qu'est-ce qui se passe derrière? Absolument rien. Donc la question c'est est-ce qu'on met des choses dans la loi qui obligent notamment les industries de l'agroalimentaire à payer correctement le travail des paysans? C'est ça qui est posé comme question. Et puis il y a une deuxième question qui est posée, qui est celle notamment du libre-échange, mais aussi de comment est-ce qu'on protège les agriculteurs d'une compétition qui est inégale, parce que vous voyez bien que dans d'autres pays, ils n'ont pas les mêmes normes environnementales, ils n'ont pas les mêmes normes sociales, et donc ça c'est à la fois le moratoire sur les traités de libre-échange que ce gouvernement ne cesse de signer et d'accepter, est-ce que vous demandez, par exemple, à ce qu'on arrête d'importer des poulets ukrainiens? Ça a été un geste de l'Union européenne pour aider les fermiers ukrainiens face à la guerre. En tout cas, je pense que ça peut pas se faire sur le dos d'une agriculture familiale française. Je vais expliquer. Évidemment, la solidarité à l'Ukraine, il faut l'avoir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut comprendre que l'Ukraine, c'est 3 fois la surface agricole de la France et que vous vous retrouvez avec des normes sociales et environnementales qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'ont les agriculteurs français. Donc vous avez des concurrences à l'extérieur, ça c'est les accords de libre-échange, mais aussi à l'intérieur même de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger de la concurrence les agriculteurs? Il faut faut faire ce qui a été fait à un moment, ça s'appelle la clause de sauvegarde environnementale et sociale. Je m'explique. Si par exemple on interdit un pesticide en France, alors il faut aussi interdire l'ensemble des produits qui viennent hors Union européenne, mais aussi de l'Union européenne, où ce produit serait utilisé. C'est ça, protéger les agriculteurs, c'est en quelque sorte faire un protectionnisme social et écologique. Vous avez vu les images hier de la préfecture d'Agen, elles ont marqué, bon, le bâtiment n'a pas été détruit, mais il y a eu un feu devant, du purin projeté dessus, etc. Gérald Darmanin a passé une consigne à ses préfets en disant, pour l'instant, je vous conseille une grande modération dans la façon dont vous gérez ce qui se passe, puisqu'il n'y a pas de violation à la loi. Pascal Canfin, lui, estime que si c'était des écologistes, ils seraient déjà, pour la plupart, interpellés. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a un deux poids deux mesures ? Est-ce que le gouvernement s'appuie sur le soutien de l'opinion pour ne pas intervenir plus franchement ? Alors, il s'appuie pas que sur le soutien de l'opinion, parce que rappelez-vous comment il avait traité les manifestants qui manifestaient contre la retraite à 64 ans, alors que l'immense majorité du peuple français les soutenait. Donc, oui, il me semble assez évident qu'il y a un deux poids deux mesures, mais moi, je veux le tourner positivement, puisque les agriculteurs, il se trouve que le gouvernement a l'air d'avoir peur des agriculteurs et qu'ils bénéficient en quelque sorte d'un totem d'immunité, eh bien c'est justement le moment d'aller les rejoindre, d'aller les aider et de faire en sorte d'arracher des choses à ce gouvernement. Je vais vous dire ce qui est problématique dans ce qui se passe dans le pays vis-à-vis de ce gouvernement, c'est qu'ils n'entendent que le rapport de force. Je veux dire, ces propositions... Là, pour l'instant, ils le gagnent, le rapport de force. Il y a eu des mobilisations pendant des mois et des mois dans le calme, d'ailleurs, hein, sur les retraites, le texte est passé. Oui, mais vous comprenez qu'au bout d'un moment, les gens n'en peuvent plus. Là, la manière dont s'exprime cette colère, c'est que les gens n'en peuvent plus. Parce que la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que dans la 7e puissance économique au monde, vous avez un Français sur 3 qui ne mange pas à sa faim. Vous avez des millions de gens qui n'arrivent pas à vivre correctement de leur travail. Vous avez 3000 enfants qui dorment à la rue dans un État aussi riche que le nôtre. Donc, une question pratique. Trop de malheur à la fin crée une colère qui peut être même incontrôlée et qui appelle à changer, évidemment, de gouvernement et de politique. Avez-vous eu Catherine Couturier au téléphone ? Alors, c'est votre élue de la Creuse. Sa permanence a été prise à partie. Il y a eu du purin qui était déversé sur sa devanture notamment. Alors je ne l'ai pas eu au téléphone, elle était avec moi dans l'hémicycle directement. On voit les images. Bon, il se trouve que Catherine Couturier, ça fait peut-être 6 fois ou 7 fois que sa permanence est dégradée. Nous faisons bien la différence entre certains qui essayent d'avoir une sorte d'instrumentalisation politicienne en faisant ce type d'action et le mouvement général des agriculteurs. Mais vraiment, je veux dire toute ma solidarité à Catherine Couturier, qui est celle qui notamment a participé à cette bataille sur la question des prix planchers, de l'encadrement des marges, qui participe à la bataille contre le libre-échange pour faire en sorte de protéger les agriculteurs. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible et je veux lui assurer de tout mon soutien. Deux, trois sujets encore, Madame Panot. Le Conseil constitutionnel se prononce aujourd'hui sur les dispositions de la loi immigration. Est-ce que là, exceptionnellement, vous ne serez pas un peu du côté du gouvernement, puisque l'on sait qu'Emmanuel Macron lui-même, par exemple, compte sur une censure partielle du texte? Le problème, c'est ce que Laurent Fabius lui a rappelé lors des vœux. Le problème, c'est d'avoir un gouvernement qui sait qu'il a inscrit dans la loi des choses qui sont anticonstitutionnelles. Est-ce qu'on a déjà vu un président de la République, des ministres, expliquer qu'il ne respecte pas l'état de droit? C'est très grave. Et donc, vous avez la première loi de la Ve République qui reprend ligne par ligne des choses du programme de Jean-Marie Le Pen, avec notamment la préférence nationale, avec des cautions pour les étudiants. Nous avons fait une saisine du Conseil constitutionnel. Nous espérons qu'il y ait le plus possible qui soit censuré par ce Conseil constitutionnel, mais nous continuons à demander le retrait de cette loi qui divise le peuple, qui divise les travailleurs entre eux. Je rappelle qu'elle n'apporte... Partiellement, il pourrait y avoir des décrets, hein. Elle sera promulguée dans la foulée. Eh ben, j'en sais rien. Vous aviez Emmanuel Macron qui avait dit qu'il ne promulguerait pas une loi qui avait été adoptée par les voix du Rassemblement national. Mais je vais dire quelque chose aux gens qui nous écoutent qui est très important. Ce texte n'apportera aucun droit supplémentaire aux Français et aux Françaises. Par contre, et c'est les études qui ont été faites par nos services publics, il montre que 110 000 personnes vont voir leurs droits régresser, notamment 30 000 enfants, alors que nous avons déjà, dans notre pays, un enfant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. Madame Panot, un mot de l'Assemblée nationale qui s'est donc prononcé favorablement à une formulation, je cite, de liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Le vote solennel dans l'hémicycle va avoir lieu prochainement, mardi prochain. Mardi. Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'est opposé à l'inscription dans la loi fondamentale, dans la Constitution. Les LR, de manière générale, s'y opposent. Ils ont été pris à partie par Sophie Marceau, par exemple, personnalité qui a fait valoir son propos sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous répondez à Gérard Larcher ? Alors la première chose, c'est non, tous les LR ne s'opposent pas et j'espère que les sénateurs et les sénatrices... Monsieur Marleix, sur ce plateau hier matin, disait la même chose. Comprendront la responsabilité qui est sur eux au moment du vote qui arrivera fin février au Sénat. Pourquoi ? D'abord parce que le Sénat a déjà voté une première fois pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. C'était la loi que j'avais portée dans le cadre de notre niche et qui avait été votée le 1er février 2023 au Sénat. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quels sont les deux arguments de Monsieur Larcher ? Il dit l'IVG n'est pas en danger. On peut discuter des 130 centres IVG qui ont été fermés, de la difficulté de certaines femmes à avorter, mais c'est vrai, il y a un ancrage très fort pour le droit à l'avortement dans notre société, et c'est justement dans les moments où il y a un ancrage très fort qu'il faut inscrire ce droit pour le protéger et protéger nos filles, nos petites filles, nos arrière-petites filles. La deuxième chose, c'est il dit ça n'a pas sa place dans la Constitution. Eh bien si, c'est le droit fondamental, l'ultime liberté de tout être humain, de pouvoir à tout moment de sa vie être maître de son corps. Un tout dernier mot rapidement, Fabien Roussel dans le Figaro appelle à séduire tout le monde, de vos électeurs à ceux de Marine Le Pen, Raphaël Glucksmann fait la une de l'Obs. On parle de tout le monde, sauf de Manon Aubry pour les européennes. Eh bien, parce que nous, nous lancerons notre campagne en continuant de dire que nous voulons défendre le programme de la NUPES et nous continuons de dire qu'il est irresponsable d'avoir des listes séparées aux élections européennes en prenant le risque d'avoir le Rassemblement National comme première force au soir des européennes et que nous pouvons, autour du programme de la NUPES, être le soir des européennes la première force politique du pays, ce qui enverrait un signal tout différent. Bref, on peut toujours inventer un autre monde. Merci beaucoup Mathilde Panot d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Mathilde Panot, la patronne des députés insoumis, l'invitée de BFM Politique. Mathilde Panot, juste avant de commencer cette interview, je signale à tous ceux qui nous regardent qu'en flashant le QR code qui va apparaître juste ici à la droite de l'écran, vous pouvez interroger directement Mathilde Panot et nous relayerons vos questions tout au long de cette émission. Mathilde Panot, un remaniement avec un probable départ d'Elisabeth Borne semble imminent. J'imagine que vous allez nous dire que cela n'importe pas, que seule la ligne politique compte. Mais est-ce qu'à minima, vous regretterez Elisabeth Borne? Non, certainement pas. Mais regardez, moi j'ai écouté Emmanuel Macron qui a dit lui-même un nouveau cap dans la continuité. Donc, ça veut tout dire. Vous pouvez changer l'équipe. D'ailleurs, on voit le jeu de chaises musicales qui va de nouveau se faire parce que personne ne veut monter dans un bateau qui coule, puisqu'on parle toujours des mêmes personnes qui seraient ici un changement de ministère, ici pour prendre la place d'un Premier ministre éventuel. Mais la politique ne va pas changer. Or, ce dont on envie le peuple de France, c'est d'avoir une rupture. On est quand même dans une situation. 7e puissance économique au monde, nombre d'enfants qui dorment à la rue qui est en train d'exploser. 1 Français sur 3, ça c'est les chiffres du Secours populaire qui a faim dans ce pays, ce qui est d'une indignité absolue. Des enfants qui ratent des millions d'heures de cours parce qu'il y a des professeurs non remplacés. 6700 lits d'hospitalisation complète qui ont fermé juste en 2022. Mathilde Panot, on aura le temps d'aborder ces sujets tout au long de l'émission, mais juste sur le point précis d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous nous dites, oui, moi je serais satisfaite de la voir partir, ou est-ce que ça ne compte pas pour vous? Mais non, ça ne compte pas, parce que Elisabeth Borne, on le sait très bien, avait été abîmée par les 11-49-3, par la bataille sur les retraites où ils avaient passé en force la retraite à 64 ans. Et donc, ils ont maintenu Elisabeth Borne le plus longtemps possible pour qu'elle fasse ensuite les 23-49-3, qu'elle passe en force non seulement la loi retraite, mais aussi la loi immigration. Et cette loi immigration, qui, je le rappelle, reprend ligne pour ligne du programme de Jean-Marie Le Pen. Vous passez votre vie à demander le départ d'Elisabeth Borne. Là, si elle s'en va, au moins, vous pourriez vous dire, bah voilà, on a pris le point, on a gagné là-dessus. Bah, écoutez, tant qu'il n'y aura pas de changement de politique, ça ne changera pas grand-chose. D'accord. Parce que, y compris, nous, donc on ça ne servait à rien d'appeler à sa démission sans arrêt, en fait. Ce que vous dites, même, ça. Si, ça mais peut... parce que, en fait, si par exemple, vous me dites Elisabeth Borne part pour un ministre qui va demander la confiance devant le Parlement, là, je prends. Mais vous, comme moi, vous savez très bien qu'aucun des premiers ministres qui sont nommés pour l'instant et suspectés de pouvoir être nommés à Matignon ne demanderont la confiance à l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais un premier ou une première ministre qui demande la confiance à l'Assemblée, qui ne passe pas sans cesse en force des mesures et qui ne gouverne pas en même temps pour des milliardaires et pour des multimilliardaires. Est-ce que vous pensez que ça peut être pire parmi les noms des prétendants qui sont cités aujourd'hui? Il y a par exemple Sébastien Lecornu qui vient de la droite, qui est le ministre de la Défense. À l'inverse, il peut y avoir Julien de Normandie qui lui était plutôt salué lorsqu'il est passé à l'agriculture. Il y a un moindre mal selon vous ou pas? On a que des mauvais choix. Regardez, alors dans les gens que vous avez nommé monsieur de Normandie. Monsieur de Normandie, c'est un technocrate complètement déconnecté, c'est celui qui expliquait par exemple qu'il n'y avait que 50 tonnes isolées SDF qui dormaient en Île-de-France, je ne sais pas si vous vous rappelez, celui qui est contre l'interdiction du glyphosate, celui qui est contre le gel des loyers, etc. Quand vous dites technocrate, le problème c'est qu'il n'ait jamais été élu. Je parle de quelqu'un qui est complètement déconnecté des réalités. C'est ça que je veux dire par technocrate. Ensuite, vous prenez monsieur Lecornu. Monsieur Lecornu, comme ministre des Outre-mer, les Guadeloupéens s'en rappellent bien, puisque pendant le Covid, alors qu'il manifestait notamment pour avoir des soignants et un hôpital digne de ce nom, et surtout l'accès à l'eau, puisque je le rappelle qu'en Guadeloupe, un enfant en Guadeloupe continue d'avoir jusqu'à 1,5 mois de cours en moins par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école, que les gens sont toujours sous coupure d'eau incessante, eh bien, qu'a-t-il fait? Il a envoyé le GIGN et le RAID. Donc, en termes de rapport de force et de brutalité, vous pouvez faire mieux que le corps humain. Oui, j'ai lu même des députés insoumis qui disaient qu'au moment de du débat autour de la loi de programmation militaire, ils prenaient, sinon du plaisir, du moins ils reconnaissaient la capacité à essayer de trouver des compromis avec le ministre de la Défense. Non, ça compte pas, non? Je ne sais pas, mais moi, je vous donne des faits, par exemple. Oui, mais je vous donne des faits. Vous vous rappelez que M. Lecornu, par exemple, lorsque, après 35 jours de bombardement à Gaza, lorsque Emmanuel Macron, pour la première fois, a appelé au cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, le lendemain même, Sébastien Lecornu était en Israël, en train de rencontrer son homologue, le général Galland, qui est celui qui organise les massacres sur la population palestinienne, pour lui apporter son soutien. Donc, je ne sais pas vous dire. En fait, la politique n'est pas une question de personne, c'est la question de la ligne politique qui va être établie. Petite question, d'ailleurs, si on vous suit bien, si on suit bien vos argumentaires, quelle que soit la personne qui sera nommée à Matignon, vous allez tout faire pour essayer de la renverser? Ah bah, si vous suivez bien mon argumentaire, nous sommes une opposition. Effectivement, nous avons été élus pour nous opposer à Emmanuel Macron et pour proposer une alternative politique. Et donc, c'est ce que nous continuerons à faire. Et évidemment, nous continuerons à nous battre de toutes nos forces contre le projet d'Emmanuel Macron. Parce que, par exemple, dans les grandes choses qu'on nous promet là pour cette nouvelle année 2024, ouais. on nous promet un pacte 2. Dans ce pacte 2, on va par exemple s'attaquer aux droits des chômeurs de plus de 55 ans. Donc on aura déjà volé 2 ans de vie aux Français, mis jusqu'à 64 ans l'âge de la retraite. Et maintenant, ceux qui n'auront pas d'emploi, puisque vous le savez, pourquoi y a-t-il des protections spécifiques pour les plus de 55 ans ? C'est parce que justement, il y a des discriminations spécifiques pour l'emploi des seniors. Et donc, vous allez avoir donc des gens qui vont se retrouver sans droit au chômage puisqu'on va leur baisser leur droit au chômage. C'est ça, par exemple, qu'on propose. Donc, que ça soit Monsieur Le Corny, Monsieur de Normandie ou Madame Borne, c'est le projet politique qu'ils veulent faire. Et nous continuerons à dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça, que nous sommes les partisans de la retraite à 60 ans et d'avoir une bonne protection sociale pour tout le peuple du pays. Une question encore sur ce remaniement avant de parler de la loi immigration. Il y a aussi le sort des ministres dit de l'aile gauche, qui ont exprimé leur malaise précisément pendant les débats autour de la loi immigration. Certains ont remballé pour le moins leurs inquiétudes, notamment Clément Beaune. Est-ce que vous souhaitez que ces ministres-là restent au gouvernement pour continuer à exprimer cette voix sinon dissidente, du moins légèrement différente que la majorité du gouvernement? Moi, je veux surtout saluer l'ancien ministre de la Santé qui, lui a eu le courage d'aller jusqu'au bout des actes qu'impliquaient ses paroles. Parce que Quand ces ministres se sont exprimés, j'aurais cru, à part M. Rousseau, qu'ils auraient compris que là, on ne parlait pas de quelque chose de partisan, qu'on parlait de quelque chose qui impliquait l'identité républicaine de la France, donc qui est plus grand que ce qui nous différencie selon nos partis. Et lorsque vous arrivez à une loi qui, pour la première fois, inscrit la préférence nationale dans notre loi commune, j'aurais pensé qu'ils auraient été jusqu'au bout, et donc au déshonneur de ne pas avoir tenu leur parole, peut-être seront-ils écartés, je ne sais pas. Rapidement, un tout petit mot. Est-ce que vous préféreriez que le président annonce une dissolution plutôt qu'un remaniement ? C'est toujours votre mantra ? Écoutez, moi, ce n'est pas que j'appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale, mais je crois que lorsque vous êtes dans une situation de blocage politique, alors la solution reste toujours le peuple. Question de Valérie Acco sur la loi immigration. Oui, justement, Mathilde Panot, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur cette loi d'ici au 26 janvier. Est-ce que vous demandez à ses membres, solennellement, de censurer tout ou partie de cette loi ? Alors oui, évidemment. D'ailleurs, nous avons déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Il y a des députés insoumis, notamment avec d'autres partis de gauche qui iront défendre ce recours devant le Conseil constitutionnel et qui, je l'espère, censureront un grand nombre de ces mesures. Mais je vais vous dire, quel que soit le résultat du Conseil constitutionnel, nous abrogerons cette loi lorsque nous serons au pouvoir. Parce que cette loi inscrit non seulement la question de la préférence nationale, de la déchéance de nationalité, qui est là déchéance aussi. De nationalité qui était déjà dans le droit. Qui est là aussi dans le programme de Jean-Marie Le Pen, qui le fait avancer. Oui, mais c'est vous déjà avez dans le droit. La promesse qui a été faite par Elisabeth Borne de vous en prendre à l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État qui est une politique de santé publique, parce que tout le monde comprend qu'un microbe ne regardera jamais les papiers d'une personne ou d'une autre personne avant de faire son œuvre. Et d'ailleurs, l'Espagne, qui a essayé de supprimer un dispositif similaire, a dû le remettre devant la surmortalité des exilés, mais aussi devant une propagation d'épidémie qui était contraire. Mais alors, restons sur l'aide médicale d'État, si vous le voulez bien, une seconde. Ce que dit Elisabeth Borne, c'est donc qu'il y a eu un accord, en tout cas, ça faisait partie des conditions de l'accord, de s'engager auprès de la droite, de réformer l'aide médicale d'État. Mais personne au gouvernement ne dit qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État, personne au gouvernement ne soutient l'idée de la transformer, ce que souhaitait la droite, en aide médicale d'urgence. Ils disent juste, on va prendre le rapport de Patrick Stefanini, Claude Évin, ancien ministre de la Santé socialiste. On va regarder si éventuellement il y a des choses qui peuvent bouger. Par exemple, c'est dans le rapport, la proposition de retirer l'aide médicale d'État aux personnes frappées de mesures d'éloignement pour motif d'ordre public, c'est-à-dire ceux qui sont par exemple frappés d'une obligation de quitter le territoire français parce qu'il y aurait eu un trouble à l'ordre public. Même ça, c'est impossible d'y toucher si vous avez par exemple quelqu'un qui a été... Qui est un délinquant, de se dire que cette personne-là ne doit plus bénéficier Monsieur de l'aide médicale d'État. Ne mélangez pas vous vous-même. Ah, je mélange pas tout. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous soumettez une proposition de rapport. Je vais vous expliquer pourquoi. Si cette personne est sur le territoire français, elle vit sur le territoire français, cette personne dont vous parlez. Oui, même si elle est frappée d'éloignement, donc elle a vocation à quitter le territoire. D'accord, mais elle vit sur le territoire français. Ouais. Donc c'est complètement absurde de dire qu'on ne soigne pas cette personne. C'est complètement absurde. C'est comme ça qu'on fait des désastres en santé publique. Lorsque vous avez 3500 médecins qui disent « si vous restreignez encore ou vous supprimez l'aide médicale d'État, nous désobéirons, y compris parce que les médecins font un serment dans notre pays qui s'appelle le serment d'Hippocrate de soigner toute personne qui viendrait à elle. Le moindre fait de regarder d'éventuels éléments pour faire évoluer le dispositif, c'est totalement tabou. En fait, je préférerais qu'on étende l'aide médicale d'État. Je vais vous dire pourquoi. Depuis des années, on est en train de restreindre. Depuis des années, on est en train de restreindre l'aide médicale d'État. Notamment, on restreint le panier de soins qui accompagne l'aide médicale d'État. Et vous le savez, mais dans l'aide médicale d'État, ceux qui ont droit, qui pourraient bénéficier de cette aide médicale d'État, vous avez un non-recours de 50%. Eh bien, moi, je préférais qu'on s'attaque à son non-recours de 50%, d'autant que vous comprenez bien dans une société que quand vous ne prenez pas les gens à temps, notamment la santé, c'est beaucoup de la prévention, et que vous les prenez lorsque une maladie est d'ores et déjà déclarée ou lorsqu'elle est déjà plus grave. Eh bien, même en termes économiques, c'est une absurdité totale. Alors, Mathilde, pourquoi les Français, quand ce projet de loi a été voté, étaient très majoritairement satisfaits? 70% d'entre eux ont applaudi, ils voulaient cette loi. Est-ce que vous ne vous sentez pas souvent, d'ailleurs, en complet décalage avec les aspirations des Français qui ont des inquiétudes sur l'immigration? Non, du tout. Vous regardez le dernier sondage IFOP qui a été fait en décembre. Dans la première préoccupation des Français, à 83%, c'est justement la santé. Dans la deuxième préoccupation, néanmoins, si on reste sur l'immigration, c'est la question de la vie chère. Je disais à 70% d'entre eux, ils étaient satisfaits. Vous comprenez bien que du vote de ce projet la question d'agiter la question de l'immigré ou de l'exilé dans ce pays est une technique qui est vieille comme le monde, que nous connaissons par cœur. Quelle est sa fonction pour les gouvernants? Donc les Français ne sont pas inquiets du tout sur l'immigration. Sa fonction pour les gouvernants est de diviser le peuple, tout comme d'ailleurs le racisme a pour fonction de diviser à chaque moment le peuple. Enfin, c'est pas raciste de se poser la question de la façon dont peuvent évoluer les dispositifs autour en tout cas, de l'immigration. Je pense que cette loi est xénophobe. Cette loi est xénophobe. Mais comment expliquez-vous? Attendez, parce que je rebondis sur le sondage d'Amandine. Sur le sondage évoqué par Amandine Atalaya. Même quand on regarde dans votre électorat, il y a certes une courte majorité qui est défavorable à la loi, mais il y a de mémoire plus de 40% des sympathisants La France Insoumise qui sont favorables à cette loi. Ils ne sont pas racistes, ils ne sont pas xénophobes. Quand vous faites réfléchir les gens sur la question migratoire, alors les gens comprennent immédiatement, lorsque vous regardez les chiffres, que la France n'est pas un grand pays d'immigration. Et loin de là. Nous sommes dans les pays d'Europe de l'Ouest, un des pays qui accueille le moins. La plupart des migrations. Mais ce n'est pas une question de ne pas comprendre cette loi. Il faut que tout le monde comprenne qui nous écoute, que cette loi ne donnera aucun droit supplémentaire aux gens qui vivent dans ce pays. Aucun. La seule chose qu'il fait, c'est s'attaquer aux droits fondamentaux des personnes. Et ce n'est pas juste moi qui le dis, la défenseur des droits. Donc est-ce que comme la patronne de la CGT, Madame Binet, est-ce que vous demandez vous aussi une forme de désobéissance civile? J'espère que déjà Emmanuel Macron ne promulguera pas cette loi, parce que mais Emmanuel Macron avait dit que si cette loi était adoptée avec les voix du Rassemblement National, alors il ne la promulguerait pas en l'état. Elle a été adoptée avec les voix du Rassemblement National. Alors là-dessus, si on doit être précis, si le Rassemblement National votait contre, comme initialement, alors la loi ne passait pas. Très techniquement et mathématiquement parlant, il aurait fallu qu'ils s'y opposent tous, mais stricto sensu, la voix n'est pas passée avec les voix du Rassemblement National. Dans un scénario où ils se seraient opposés... S'ils doivent ne pas voter contre, ça veut dire que c'est passé avec les voix du Rassemblement National. De leur voix, il leur manquait cette voix. Bon, je passe sur cette question-là. Mais ensuite, la deuxième des choses, vous avez d'ores et déjà des départements qui ont dit qu'ils compenseraient et qu'ils ne feraient pas, par exemple, la mesure sur la question des allocations familiales. Je rappelle que les allocations familiales ne sont pas faites pour les parents, ils sont faits pour les enfants, pour que les enfants aient un minimum à vivre, ce qui est notamment dans la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a ratifiée. Et vous verrez que nous serons une centaine d'associations, de collectifs, de syndicats qui défileront ensemble le 14 janvier pour nous opposer à cette loi et en demander le retrait. Mais concrètement, Mathilde Panot, désobéissance civile, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu un certain nombre de départements qui ont dit qu'ils pourraient mettre en place ce qu'on appelle des aides extra-légales pour compenser la perte d'un certain nombre d'allocations. Qu'est-ce que ça veut dire sinon? Ça veut dire ne pas appliquer des mesures qui rentrent en vigueur, auquel cas ce serait une forme de entrer dans l'illégalité. Qu'est-ce que ça veut dire, désobéissance civile? Par exemple, lorsque, même si l'AME n'est pas dans cette loi, mais il y a un engagement de la Première ministre envers le président du Sénat, par exemple, pour les médecins, ne pas obéir au fait de ne pas soigner les gens. Là, on parle de quelque chose qui n'est pas rentré en vigueur. Là, en ce qui concerne la loi qui a été votée, c'est quoi de la désobéissance civile? En tout cas, c'est ce qu'on fait, la proposition qu'ont fait les départements, c'est ça. C'est pas de la désobéissance civile, ça. C'est de dire qu'éventuellement, on compensera des aides qui seront perdues. Par exemple, ça peut être les présidents d'université qui refusent, par exemple, l'augmentation des frais d'inscription ou la caution retour qui est demandée aux étudiants. Elisabeth Borne dit qu'elle pourrait être de 10 euros. Oui, enfin, du coup, c'est ridicule d'avoir fait ça. Vous comprenez que le signal qui est envoyé au monde... Vous savez, la seule chose, lorsqu'on la partage, qui grandit, c'est la connaissance. Et pour le coup, vu les défis que nous avons, nous, notre génération humaine, qui vivons actuellement sur la planète... Vous comprenez bien que c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi, parce que ça vaut aussi pour la droite ou pour le Rassemblement national ou les... Mais qui peuvent décider de ne pas appliquer la loi quand ça les arrange. Mais vous comprenez que cette loi a quelque chose de spécifique. Cette loi s'attaque aux fondamentaux de notre République. Je crois que vous ne saisissez pas bien ce qui vient de se passer. La Macronie est prête, visiblement les Français en étant plus, minoritaire. Ouais. Mais non, mais les Français sont intelligents. Ah bon, 70% des Français sont favorables à la loi. Oui, on verra ce que ça donne. Vous savez, par exemple, la France, parce que ce ne sont pas que les personnes étrangères. Vous savez, quand on s'en prend aux droits des étrangers, généralement, c'est le laboratoire du pire, où après, on s'attaque à tous les droits du peuple. Et je vais vous dire, la France est championne en Europe du nombre de mariages mixtes. Donc, ça concerne aussi beaucoup de familles dans ce pays qui vont se retrouver entravées par le fait que lorsqu'ils arrivent... il y a un moment, un seuil qui a été franchi. La Macronie était minoritaire et ils ont décidé de passer en force en faisant le marchepied de l'extrême droite, en utilisant non seulement les voix de l'extrême droite, mais surtout les idées de l'extrême droite. Et bien ça, je crois que ce n'est pas acceptable. Question de Valérie Acos sur le rapport de la Cour des comptes. Cette semaine, effectivement, la Cour des comptes a fait un rapport où elle souligne notamment la faiblesse des exécutions des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, à peine 10%. Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer ce résultat ? On ferait respecter la loi, mais nous, on commencerait par régulariser les travailleurs sans papier. C'est pas la même chose. On ferait respecter la loi. Enfin, déjà, vous avez un problème. Oui, parce qu'il y a quand même d'autres soucis que simplement la loi sur les OQTF. Il y a des obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas exécutées. Pourquoi quelle est votre solution ? Parce qu'il y a parfois des problèmes de ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires. Non, les pays ne veulent pas les accueillir. Il y a parfois un certain nombre de verrous qui empêchent les expulsions. Parfois, dit la Cour des comptes, elles sont mal ciblées. C'est-à-dire qu'il y a trop d'OQTF qui sont délivrés. Et parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des ninis. Vous savez ce que c'est des ninis ? Ni régularisables, ni expulsables. Notamment parce que ce sont des pays vers lesquels nous n'avons pas le droit d'expulser. Ou vers lesquels, effectivement, il y a un refus du pays dont vient la personne de recevoir de nouveau les ressortissants. Est-ce que c'est un objectif politique pour vous de mieux faire exécuter ces obligations de quitter le territoire français ? Nous, on fera respecter la loi, mais nous, notre objectif, c'est de régulariser les personnes qui travaillent ici, qui cotisent ici, qui paient des impôts ici, qui sont les travailleurs. Mais ce chiffre, 10% ça ne vous choque pas. Quand vous dites faire respecter la loi... 10%, ça ne vous choque pas. C'est ridiculement ça, ça montre bien que la politique... Écoutez, ça montre que la politique de fermeté qu'on nous promet à tout va ne fonctionne absolument pas. Vous avez vu ce que fait Giorgia Meloni ces derniers temps ? Vous avez vu, hein. Giorgia Meloni a été élue en disant zéro immigration. Bon, non seulement l'immigration a augmenté avec le nombre de morts en Méditerranée, puisque c'est à chaque fois ce qui se passe lorsque on essaye de refermer plus les frontières. Première chose. Deuxième chose, elle a dit qu'elle devait maintenant accueillir 500 000 travailleurs qui sont travailleurs émigrés pour justement aider l'Italie qui est vieillissante. Vous savez qu'en 2024, ce qui va se passer en Europe, 2024 est l'année où on estime, cette année, qu'il y a plus de personnes âgées en Europe que de bébés. Donc, nous sommes un continent vieillissant. Juste avant donc, la question, juste ce n'est avant pas une très courte coupure. La crise de l'immigration, mais la crise de l'accueil. Juste avant Mathilde Panot, Gérald Darmanin qui annonce cette semaine qu'un total de 4686 étrangers délinquants ont été expulsés en 2023, c'est-à-dire une hausse de 30%. Est-ce que vous vous en félicitez ? Non, mais enfin, M. Darmanin passe son temps à nous mettre des chiffres comme ça. D'ailleurs, en faisant un amalgame à chaque fois, immigrés, délinquants. Là, c'est des délinquants étrangers qui ont été expulsés, plus 30%. Est-ce que c'est une bonne chose ? Non, je considère que c'est une politique qui est, à part une politique de communication de chiffres qui est faite, qui n'est pas une politique pensée. Je vais vous dire donc pourquoi. Donc, il ne faut pas expulser des délinquants étrangers. Non, mais c'est une question que je vous pose assez simple. Non, mais c'est pas ça. Monsieur Darmanin est un hypocrite. Voilà, c'est un hypocrite. Ouais. Parce qu'en continuant les politiques d'inaction climatique, c'est comme ça qu'on va avoir 1,2 milliard de réfugiés, notamment climatiques, d'ici à 2050. En continuant les politiques de libre-échange qui détruisent les agricultures paysannes et qui permettent de vivre aux gens, c'est comme ça qu'on force des gens à partir. Donc il faut arrêter avec tout ça, il faut avoir une politique de raison. Merci beaucoup Mathilde Panot. On fait une très courte coupure et on se retrouve dans un instant. À tout de suite dans BFM Politique. Mathilde Panot, invitée de BFM Politique. Mathilde Panot, avant de continuer nos échanges, une question d'un téléspectateur qui s'appelle Martial. Voilà ce que Martial vous demande. Que pensez-vous de la visite de la ministre de la Santé dans un institut connu pour ses positions anti-IVG, inquiétant point d'interrogation, pour préciser pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi, il s'agit d'Agnès Firmin-Lebaudot, ministre de la Santé par intérim, qui s'est rendu à l'Institut Jérôme Lejeune, proche de la Fondation Jérôme Lejeune, qui effectivement est connue pour ses positions pour le moins conservatrices sur la question non seulement de l'avortement, mais également de la fin de vie. Oui, alors bon, j'ai vu que Madame Firmin Le Bodo, suite à la polémique que ça a créée, a essayé d'expliquer la raison pour laquelle elle y était. Pour que tout le monde comprenne, la Fondation Lejeune fait par exemple des manuels anti-IVG, milite activement contre le droit à l'avortement, le droit aux femmes de disposer de leur corps, et aussi le droit de mourir dans la dignité, comme vous l'avez dit, qui sont deux chantiers qui devraient normalement aboutir en 2024 et qui sont l'humanisme porté à son paroxysme, ce qui est pour nous très important, c'est-à-dire d'être maître de sa personne jusque dans sa mort ou dans le choix de poursuivre ou non une grossesse. Donc, le fait qu'elle y aille en tout début d'année, au moment où, en mars, doit être inscrit dans la Constitution le droit à l'avortement, au moment où, en juin, si le président ne tergiverse pas, doit être enfin inscrit ce que les Français attendent massivement, c'est-à-dire le droit de mourir dans la dignité... Parce qu'elle dit, la démocratie, c'est aussi échanger avec les personnes qui ne partagent pas vos idées. Oui, enfin, elle devrait soit assumer, soit s'excuser, mais on ne peut pas être entre les deux. Là, elle a été spécifiquement dans le chantre de ceux qui s'opposent aux nouveaux droits que nous proposons dans le cadre notamment de la 6e République. Donc je crois que c'est assez scandaleux comme premier acte en début d'année. Qu'elle quitte le gouvernement, ce qui par ailleurs est vraisemblablement envisagé compte tenu des accusations dans le cadre d'une affaire qui la voit être accusée d'avoir perçu de façon indue des cadeaux de la part de Durgot, en l'espèce. Donc vous souhaitez qu'elle quitte le gouvernement? Bah, écoutez, en tout cas, ça ne va pas du tout de la part d'un gouvernement d'envoyer un tel signal, alors que des chantiers sont sur la table. Et pour le coup, je le dis, et pour l'avortement et pour le droit de mourir dans la dignité, ce sont grâce à des militants et des militantes qui, depuis des années et des années, militent sur ce sujet que probablement nous allons réussir à conquérir ces droits nouveaux pour le peuple français. Et je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez continuer à interpeller, comme Martial vient de le faire directement, Mathilde Panot, avec ce QR code à droite de l'écran. Mathilde Panot, mardi soir, le numéro 2 du Hamas était tué par une frappe israélienne sur l'immeuble où il se trouvait, en l'occurrence au Liban, à Beyrouth. Et votre réaction le lendemain a suscité beaucoup de commentaires. La voici, elle va apparaître à l'écran. L'armée israélienne bombarde la capitale libanaise. Le criminel de guerre Netanyahou fait courir le risque d'une guerre régionalisée. L'appui des États-Unis rend possible ces exactions. La France doit exiger la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des sanctions fermes doivent être prises sans délai. Est-ce à dire, Mathilde Panot, que vous regrettez, que vous condamnez l'élimination du numéro 2 du Hamas? Écoutez, si par exemple un criminel de guerre belge ou quelqu'un qui aurait commis un acte de terrorisme belge allait se cacher en plein Paris, je ne serais pas très enthousiaste que la Belgique arrive avec des drones pour tuer en plein Paris cette personne-là. Ça ne marche pas comme ça. C'est parce qu'il ni s'est le pas droit international, ni... Non mais vous vous rendez compte, le Liban est un État souverain, monsieur Duhamel. Et donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, ça veut dire que vous condamnez le fait que membre du Hamas, terroriste numéro 2, donc responsable des attaques du 7 octobre, ait été éliminé. Non, mais la question est assez simple, Mathilde Panot. Je condamne le fait qu'Israël l'ait fait sur un État souverain, effectivement, parce que je ne suis pas d'accord avec le fait que Netanyahou, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, puisse aller comme ça dans des pays à côté, qui ne sont pas les siens, mener des frappes comme une Belgique. Juste Valérie, une seconde. L'exemple que je vous ai donné entre la Belgique et la France fait comprendre à tout le monde que ce n'est pas possible. Je vais vous soumettre un autre exemple. Allez-y. Quand Oussama Ben Laden est éliminé par les États-Unis au Pakistan. Le Pakistan est un État souverain. Ça vous a choqué de la même manière? Mais écoutez, vous comprenez bien que dans le droit international, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ni la lutte contre le terrorisme, ni la question du droit international. Donc, on fait ça dans le cadre de droit international. Donc, ça veut dire qu'il ne fallait pas le faire non plus. Écoutez-moi, si vous voulez éliminer quelqu'un, vous le faites dans le cadre d'une coalition internationale. Et déjà, on peut discuter savoir si c'est efficace ou pas. Mais faisons-le dans le cadre d'une coalition internationale. Où est la coalition internationale? Ce qui s'est passé à l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre, sur demande d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a demandé, avec l'article 99, une Assemblée générale. Est-ce que vous avez regardé le résultat du vote sur le cessez-le-feu à l'Assemblée générale? L'avez-vous regardé? Excusez-moi, souffrez que l'on choisisse les questions qu'on vous pose. Là, on est sur la question de l'élimination du numéro 2 du Hamas. Et donc, Valérie Agnew, sur ce sujet, a une question à vous poser. Il y avait 153 voix pour et seulement 10 voix contre, dont les États-Unis, dont Israël. Donc, vous êtes sur un Israël qui est en train d'être isolé de plus en plus sur la scène internationale. Mais certes, mais ceci dit, Mathilde Panot, on ne dit pas que c'est pas un de gouvernement, un ministre du gouvernement des États-Unis, hein, qui est en train de faire un tour dans la région pour inviter un embrasement du conflit. Vous croyez qu'il n'y a que moi qui crains cela ? Mathilde Panot, c'est pas le sujet là en l'occurrence. Ah, si, c'est ça le sujet. La question, c'est le sujet de savoir si le conflit s'embrase à un niveau régional, ce qui serait une horreur dans l'horreur. Ce qu'on souhaite déterminer aussi, c'est par exemple, Israël décide d'éliminer des dignitaires du Hamas qui sont responsables des attaques du 7 octobre. Est-ce que vous trouvez que c'est illégitime qu'Israël décide d'éliminer des dignitaires du Hamas qui sont responsables des attaques du 7 octobre ? Tout à fait. De la manière dont ils le font, tout à fait. Vous trouvez C'est-à-dire que... la manière. Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe à Gaza ? Sérieusement ? Sérieusement. Mais bien sûr, on parle pas de Gaza, on parle de l'élimination de dignitaires. On parle pour les journalistes depuis 30 ans. Tout à fait, mais on parle d'élimination. D'ici à 2024, d'un demi-million de personnes qui pourraient être mortes. On parle de 160 enfants tués par jour à Gaza. 160 enfants tués par jour. À Gaza, mais sur l'élimination. Quand même, c'était 2 enfants par jour dans la guerre en Syrie et c'était 3 enfants par jour. Vous pourriez vous féliciter qu'il y ait des éliminations. Dans la guerre en Afghanistan. Ciblées. Mais ce n'est pas ciblé de dirigeants du Hamas. Ciblé, non, vous là, on parle de l'élimination. Le numéro 2, c'était le numéro 2 du Hamas. Oui, mais du coup, alors, vous nous expliquez donc qu'il y aurait, parce que ça fait quand même des mois et des mois que dans les médias, on nous explique que c'est une guerre Israël-Hamas. Ce n'est pas une guerre Israël-Hamas. Est-ce que vous avez entendu ce qui a été dit pendant cette trêve des confiseurs par les responsables israéliens, par le gouvernement d'extrême droite? Absolument, de ministres d'extrême droite qui... On dit... parle d'émigration et de déplacement. Voilà, ce qui est une violation sur laquelle la France a d'ailleurs réagi, ce qui est une violation très grave. Mais c'est des sujets différents, ça, Madame Panot. De même que M. Netanyahou a dit qu'il espérait qu'il y ait le moins de Palestiniens possible à Gaza. Je vais vous dire, moi, je suis pour le respect du droit international. Et dans le droit international, ça ne donne pas la possibilité d'aller frapper dans un pays voisin. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que c'est pas possible. Non, parce que sinon, il n'y a plus aucune règle. Pardonnez-moi, mais pour que les choses soient très claires, ça veut dire qu'Israël n'est pas légitime à éliminer des membres du Hamas, qu'ils soient dans la bande de Gaza, qu'ils soient au Liban, qu'ils soient au Qatar, pour vous, ils ne doivent pas le faire. Ben non. Ok, ben non, voilà, ça a le mérite d'être clair. C'est le droit international qui doit... Quand vous avez des choses qui se passent dans le cadre du droit international, c'est une chose. Mais sinon, non. Le gouvernement Netanyahou seul n'a pas le droit de le faire. Qu'est-ce qui se passe sinon ? Qu'est-ce qui se passe sinon ? S'il n'y a pas du sang-froid du côté libanais, vous vous imaginez si la guerre devient régionale, ce qui est la crainte, pas seulement de Mathilde Panot, pas seulement de la France insoumise, mais ce qui est la crainte de beaucoup de gens dans le monde. Donc juste une question encore, une comparaison, Mathilde Panot, si vous me permettez, quand les Français, après notamment les attentats du 13 novembre ou de Charlie Hebdo, ont décidé de faire des opérations ciblées à l'étranger pour aller éliminer, neutraliser, c'est le mot qui est utilisé, des terroristes. Là encore, ça ne devait pas être fait ? À quel moment est-ce qu'on a fait des opérations ciblées après Charlie Hebdo? Ça a été raconté notamment dans le livre de nos confrères Gérard Davet et Fabrice Lhomme, où d'ailleurs François Hollande en parlait de façon assez libre, de ce qu'on appelait les opérations HOMO, qui étaient décidées par le président de la République directement pour aller neutraliser des terroristes à l'étranger. Moi, je suis pour le respect du droit international. Et je vais vous dire, ce qui est en train de se passer nous fait courir le risque d'un embrasement du conflit dans la région. C'est clair, vous vous ne répondez pas à ma question, Mathilde Panot. Sur le fait de neutraliser des terroristes du Hamas. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on aille frapper le Liban. Je ne suis pas d'accord. Vous diriez que c'est un crime de guerre de la part d'Israël ? Puisque vous dites par ailleurs que Benjamin Netanyahou est un criminel de guerre. En tout cas, ce que fait en ce moment Netanyahou à Gaza est des crimes de guerre qui sont avérés par l'ensemble des ONG, au point que l'ONU explique aujourd'hui que Gaza est devenu un lieu inhabitable et que la question de savoir... Comment est-ce qu'on obtient le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et posé au monde entier, qui est foudroyé par ce qui est en train de se passer à Gaza ? Non-volonté ou incapacité à employer le mot de l'autre côté, pour le Hamas, est-ce que vous diriez aussi qu'ils sont coupables de crimes de guerre ? Aucune amitié particulière pour le Hamas. Est-ce que ce sont des criminels de guerre, les membres du Hamas ? Et ce sont des terroristes. Et par ailleurs, j'espère bien que la CPI, lorsque nous aurons obtenu ce cessez-le-feu, ira à la fois juger les crimes de guerre commis par le Hamas, comme les crimes de guerre commis par le gouvernement Netanyahou. Je n'ai aucun problème à dire ça. Mais je vais vous dire, ce qui est en train de se passer et qui est grave, c'est qu'on est en train d'enterrer la solution à 2 États. Voilà ce que fait Netanyahou et l'extrême droite israélienne, c'est empêcher qu'il y ait une solution politique qui est la seule à même de faire en sorte que le peuple palestinien et le peuple israélien puissent vivre en paix et en sécurité. Mathilde Panot, la France et la Jordanie ont annoncé qu'elles avaient livré, et c'est une première, hein, pour la première fois, 7 tonnes d'aide humanitaire sur Gaza. Est-ce que vous vous en félicitez ? Alors, je m'en félicite et je dis, comme a expliqué encore récemment Médecins du Monde, qu'il ne faut pas, par contre, que cela dépolitise la question. Cela veut dire que, évidemment, aider, c'est important, même si, quand je dis qu'un responsable, un coordinateur de l'ONU explique que Gaza est devenu inhabitable, je ne sais pas si cette aide humanitaire sera suffisante, loin de là, mais elle est importante, et je salue le fait que la France l'ait fait. Mais il faut par ailleurs avoir des tractations autour du cessez-le-feu. Et je voudrais vous alerter sur un point. Peut-être avez-vous remarqué, mais au 1er janvier, les BRICS ont été rejoints par 5 pays différents, 5 pays supplémentaires que ceux qu'ils étaient. Ce les qui BRICS, fait que... pour ceux qui nous regardent, c'est des pays en voie de développement, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Eh ben, en voie de développement tellement que maintenant ça représente 40% de la population mondiale avec les 5 pays qui sont réunis et que ça représente maintenant plus dans le PIB mondial que les pays du G7. Donc il faut se rendre compte de l'ordre international et de l'ordre global qui est en train de complètement se modifier. Et nous avons eu deux alertes. Je parlais tout à l'heure du 13 décembre, au moment de l'Assemblée générale, où vous avez d'un côté 10 voix contre seulement cessez-le-feu et 153 pays pour. De même que nous avons eu une autre alerte à un autre moment, qui était celle qui a eu lieu en septembre, lorsqu'il y a eu le G20. Rappelez-vous que lors de ce G20, il y a eu un refus, dans le communiqué final, de condamner de nouveau l'agression russe en Ukraine. Parce qu'il n'y avait pas de consensus autour de ça. Je le dis parce que l'ordre international est en train de changer. Et je crois qu'il est important de regarder cette situation nouvelle. Et le groupe parlementaire, la France Insoumise et l'Institut La Boétie devraient organiser, je crois, une journée sur cette question pour réfléchir à ce nouvel ordre international. Et surtout, et pour en revenir, Mathilde, à la manière dont la voix de la France est décrédibilisée dans cet ordre international. Pour en revenir au débat français. La France insoumise est parfois accusée d'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme. Et il y a eu un tweet qui, à nouveau, a posé question. C'est celui du député David Guiraud qui, pour répondre précisément à une accusation d'antisémitisme, a publié une image alors qui est issue d'une série d'animations japonaises qui s'appelle One Piece. Et il a fait référence au Dragon Céleste. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des personnages qui sont parfois utilisés sur les réseaux sociaux à des fins antisémites. Il a ensuite supprimé ce tweet. Est-ce que David Guiraud a commis une erreur ? Alors non, et je vais vous dire pourquoi. Là, on est en train de parler d'une œuvre qui est mondialement reconnue, connue, qui est lue par des millions de gens. Je vous ressors, par exemple, un tweet de Monsieur Macron. Personne n'accusera d'antisémitisme, j'espère. Il ne parle pas des dragons. Il ne parle pas des dragons. Et par ailleurs, l'image. Mais il parle de One Piece. Attendez juste. Et juste pour préciser, la photo ou l'image publiée par David Guiraud était en réponse à une accusation d'antisémitisme. Donc, vous avez montré un tweet d'Emmanuel Macron. Oui, mais je vais vous montrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Et il a supprimé ce qui laisse indiquer un certain regret. C'est une œuvre mondialement reconnue qui n'est en rien antisémite. Par contre, l'œuvre. Effectivement, il y a une récupération d'une part de l'extrême droite qui en fait une lecture antisémite qui n'est pas du tout ce qui est dans l'œuvre. Nous sommes d'accord. Donc, moi, je dis, il n'est pas possible d'avoir un débat politique et public qui soit emprisonné par les pourquoi hashtags de l'extrême tweet, droite. Pourquoi il a supprimé son tweet? Mais parce que vous avez vu les polémiques qu'on s'est fait tout le temps. Et oui, il savait pas que c'était récupéré justement par les courants de droite et d'extrême droite. Justement, c'est ce qu'il explique dans son tweet, c'est probablement la raison pour laquelle d'ailleurs il l'a supprimé, c'est que il ne savait absolument pas qu'il y avait une récupération de l'extrême droite de cette pièce. Mais moi je vais vous dire, cette œuvre-là ne devrait pas être récupérée par l'extrême droite. Moi je suis d'accord avec le fait que Emmanuel Macron fasse un tweet dessus. Est-ce que c'était pas quand même maladroit de, parce que il a beau dire qu'il ne savait pas, c'était quand même connu. Je vais vous dire, moi ce qui je trouve fait du mal à la lutte contre l'antisémitisme, c'est de sans cesse nous inventer. Vous vous rendez compte que moi, on m'a dit que j'étais antisémite parce que j'avais dit, au moment du naufrage, parce que c'était ça le thème de mon discours, du naufrage des législatives où les macronistes sont députés, j'ai dit rescapé. Non, mais vous vous rendez compte qu'on m'a fait un procès d'antisémitisme pour ça? Eh bien, je vais vous dire. Non, je vais vous dire pourquoi je trouve ça non seulement infamant pour nous, mais problématique pour la lutte contre l'antisémitisme qu'il faut continuer dans ce pays. Oui, mais attendez, pardon, Mathilde Panot. Par exemple, quand vous avez quelqu'un du Rassemblement National, est-ce que vous leur demandez si M. Boccaletti Pardon, Mathilde Panot, mais sur ce sujet, on les interroge. Moi, il n'y a pas d'antisémite dans mon groupe. Par contre, il y en a dans leur groupe. Non, mais Mathilde Panot, notamment ce libraire négationniste. Mathilde Panot, la question qu'on vous pose, c'est quand on a David Guiraud qui publie ce visuel-là, qui est effectivement parfois utilisé par des gens d'extrême droite à des fins antisémites, qui dit ensuite « je ne voulais heurter personne, je retire ». Quand on a les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le président du CRIF d'extrême droite, quand on a les propos tenus quand on a les propos tenus par David Guiraud à Tunis, sur lesquels d'ailleurs il s'est excusé en expliquant qu'il avait été trop léger, quand on a encore le refus de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, est-ce que vous comprenez que sur cette question d'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme, les gens se disent… Vous trouvez que l'ONU est antisémite? Non, mais alors, rendez-vous compte de ce que vous dites. Mais Mathilde Panot, la LICRA, n'est pas considérée comme une organisation terroriste. Quand Daniel Obono qualifie le Hamas de mouvement de résistance, oui, ce n'est pas une forme. Oui, il faut expliquer là-dessus. Non, le Hamas n'est pas un mouvement de résistance. Okay, d'accord, voulez... contrairement à ce qu'elle avait dit. Donc, vous ne voyez pas, vous considérez que, comment dire, vous n'avez aucun mea culpa à faire dans la façon parfois de s'exprimer vous sur savez, ces sujets-là. Nous sommes un mouvement humaniste. Qu'est-ce que l'humanisme? L'humanisme est celui qui refuse qu'on trie les gens selon leur religion, leur couleur de peau, leur orientation pardon, sexuelle. Pardon, Mathilde Panot, mais reconnaissez qu'il y a quand même une succession, une accumulation. Non, il y a la LICRA qui vous a mise en cause aussi. Et de fait, il y a une interrogation sur... Il y a une infamie qui est mise sur des gens et qui, bien souvent, on l'observe malheureusement dans le monde, est fait notamment lorsqu'on essaye de décrédibiliser les voix, notamment pour la paix. Et je ne suis pas dupe sur le fait qu'on nous fait des procès sur cette question. Donc il n'y a pas des paroles maladroites qui doivent être nous mieux calibrées? Le droit des Palestiniens à vivre libre et digne. Mais c'est, là, ça n'a rien à voir. Pardon, mais ce n'est pas le même sujet. Oui, mais justement, quand je vous dis décrédibiliser les voix pour la paix, rendez-vous compte qu'on a même fait ça à M. de Villepin et on a même fait ça à M. Macron. Donc... Enfin, il faut arrêter avec ces campagnes qui sont des campagnes infamantes, qui ne correspondent à aucune réalité. Question d'Amandine. Et je vais juste vous redire les mots que Jean-Luc Mélenchon avait prononcés au moment de la marche pour Mireille Knoll, où nous avions été exclus, où il avait dit que chaque juif de France sache que dans tous les villages où il se trouve, s'il est pris à partie parce qu'il est juif, alors il me trouvera toujours à question ses côtés. Ces mots et D'Amandine nos intentions Atalaya n'ont pas changé. Sur le pouvoir d'achat. Il a eu beaucoup d'autres mots après. Sur, en effet, l'inflation de l'année s'annonce mieux, 2024. Mm-hmm. Au mois de décembre, par exemple, l'inflation s'est élevée à 3,7%. Elle pourrait continuer à baisser. Ça va être a priori le même mouvement pour les prix dans l'alimentation, puisque l'Association nationale des industries alimentaires s'attend à une hausse des prix entre 2 et 3% en 2024. Est-ce que ça y est, cette bataille-là est gagnée? Écoutez, ça fait tellement de fois qu'on nous annonce que c'est gagné. Regardez, j'essaie de vous retrouver les chiffres qui montrent que sur les produits frais, on devrait avoir encore une augmentation de 8%. Enfin, nous sommes dans une situation qui est dramatique pour un pays aussi riche que le nôtre. Nous avons appris, il y a quelques jours, que 100 milliards avaient été donnés aux actionnaires des grands groupes de pétrole, aux actionnaires pétroliers. Or, il se trouve que depuis 2 ans, l'essence, notamment le sans-plomb, a augmenté de 20% pour les gens. Donc, c'est le FMI, c'est pas seulement la France Insoumise, c'est les FMI, la BCE, l'OFCE qui expliquent tous que l'augmentation des prix est due à l'augmentation des profits. On le voit bien, notamment avec non les profits. Non, mais donc sur l'inflation, vous pensez qu'elle va continuer d'augmenter? Moi, à rebours des scénarios qui sont aujourd'hui qui n'a absolument rien fait à part nous expliquer des pics tout. Alors Bruno Le Maire, il n'y a pas que le gouvernement. Si regardez, Thierry Cotillard dit, le patron du groupement des mousquetaires, dit dans les colonnes d'Ouest France qu'il y aura des baisses de prix. Bruno Le Maire, il y a quelques instants, vient de confirmer cela. Là, Thierry Cotillard, c'est un patron d'un distributeur qui dit qu'il va y avoir des baisses de prix. Vous ne le croyez pas? J'attends de voir, mais moi je dis juste que nous demandons depuis plus de 2 ans à ce qu'il y ait une augmentation du SMIC, parce qu'il n'y a pas de boucle salaire-prix, il y a une boucle profit-prix, et donc si nous n'augmentons pas les SMIC et l'ensemble des salaires, alors les gens ne s'en sortent pas. Nous avons demandé, ce qui a raté à 6 voix près, l'encadrement des marges pour faire en sorte de faire baisser les prix, ainsi qu'un prix plancher pour les agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre correctement dans ce pays. Nous avons demandé des blocages des prix, des taxations sur les super-profits qui sont demandés là aussi par les plus grandes instances, et que c'est un gouvernement qui n'a rien fait à part demander, supplier par là, espérer. Donc, excusez-moi de ne pas avoir beaucoup de confiance dans ce qui est annoncé, j'attendrai de voir. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a des millions de Français qui ne mangent plus à leur faim, qui n'arrivent plus à savoir comment ils doivent payer à la fois la cantine de leur enfant, leur énergie, leur loyer, et que c'est insupportable dans un pays aussi riche que le nôtre. Un dernier sujet avant de passer aux questions des téléspectateurs. Le monde culturel, mais aussi politique, s'est déchiré sur le cas Depardieu, entre guerre de tribunes et propos du président de la République qui ont suscité la polémique. Rappelons que Emmanuel Macron a dit notamment que Gérard Depardieu rendait fier la France. Est-ce que vous pourriez continuer à regarder des films avec Gérard Depardieu, ou est-ce que vous arrêtez? J'ai jamais trop regardé ces derniers temps de films avec Depardieu. Mais vous avez jamais vu de film avec Gérard Depardieu? Si, j'ai vu des films avec Gérard Depardieu, mais c'est pas mon acteur préféré, loin de là. Enfin, c'est ça que je suis en train de vous dire. Non, enfin, je ne sais pas si je bannirai tous les films que je regarderai, mais non, je crois que c'est l'honneur des 8000 artistes qui ont signé une tribune pour dire qu'ils n'étaient pas admissibles. Elles ont dit quelque chose qui était très intéressant dedans, celles qui ont initié cette tribune, en disant « cela choque plus le monde et la société que des hommes honnêtes se fassent injustement accuser par des femmes, puisque je rappelle que Gérald Depardieu a 3 plaintes pour viol et agression sexuelle, 13 témoignages de femmes qui ont témoigné là aussi de formes d'agression sexuelle, que donc ça suscite plus de réactions et d'effroi que l'idée que les femmes, elles, qui sont violées ou agressées sexuellement, n'arrivent pas à obtenir justice, puisque je rappelle que seuls 0,6% des viols sont jugés et condamnés dans ce pays. Il faut lui retirer la Légion d'honneur, Gérald Depardieu. Oui, je pense que oui, ça c'est évident. Enfin, c'est évident. Question des téléspectateurs, donc Mathilde Panot, avec la question suivante qui vous est posée par Pauline. Madame Panot, faites-vous le dry January? Le dry January, pour ceux qui soit n'aiment pas les anglicismes, soit n'ont pas forcément suivi, dry January, ça veut dire qu'au mois de janvier, on prend la bonne résolution de ne pas boire d'alcool. Alors, comme nous n'aimons pas trop la normalité à la France Insoumise, vous savez, je l'ai fait en juin. Donc, je n'ai pas fait le dry January, je l'ai fait en juin, voilà. Dry June. Pourquoi au mois de juin et... Bon, parce que de temps en temps, ça fait du bien à l'organisme. Ouais. D'accord. Donc dry January, non. Là, par contre, ah bah écoutez, j'ai pas commencé en janvier, donc je vais pas. Donc non. Il y a une question plus sérieuse derrière celle de Pauline, qui est certains accusent le gouvernement de ne pas être suffisamment allant en termes de message de santé publique. Certains considérant que soit le lobby du vin, soit l'importance du secteur économique de l'alcool fait que le gouvernement ne va pas assez loin dans le message de santé publique sur les ravages de l'alcool et qu'il pourrait y avoir une consigne de faire le dry January ou une consigne du moins un appel et que ce n'est pas le cas. Est-ce que ça, vous le regrettez ? Bah oui, je pense que c'est important en termes de questions de santé publique. La question de l'alcoolisme existe toujours dans ce pays. Mmh. Je rappelle que pendant des années, on nous a expliqué que boire un verre de vin rouge par jour, c'était bon pour la santé. Qu'il y a même lorsque vous parlez aux plus anciens d'entre nous, des gens qui vous racontent qu'à la cantine, ils avaient par exemple des pichets de bière pour les enfants. Donc, il y a bon, évidemment beaucoup de progrès qui ont été faits, mais il faut continuer de dire que l'alcool a un côté addictif, que c'est une question de prévention de santé publique qui est extrêmement importante. Vous appelez vos sympathisants à faire le Dry January ? Moi, j'aime pas trop le faire sur un mode, mais je pense qu'il est recommandé effectivement en termes de santé publique de ne pas, en tout cas déjà de boire non pas seul, mais accompagné avec des amis, que ça reste un plaisir collectif. Mmh. Et je pense qu'il est effectivement important à des moments de ne pas boire pendant des périodes, ce qui est bon pour l'organisme. Merci beaucoup, Mathilde Panot, d'avoir été l'invitée de BFM Politique. Monsieur le Président, je prends la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian et Renaud après lui. J'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue, quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus. Monsieur le Président, seriez-vous dur d'oreille, pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir. Monsieur le Président, je ne viens pas en guerre, déserteur également, mais surtout en colère, quand fleurit l'injustice, les propos indécents, quand on voit la police cogner des innocents. Monsieur le Président, refusez-vous de voir ceux qui vous ont un temps choisi dans l'isoloir? C'est l'infirmière de garde qui ne compte plus ses pleurs chaque nuit quand elle regarde l'hôpital qui se meurt. Monsieur le Président, admirez les banderoles aux bras des enseignants qui se saignent à l'école. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un gamin qui apprend, qui monte sur l'escabeau pour devenir plus grand? Monsieur le Président, si j'ose ces quelques vers, peut-être impertinents, c'est qu'on marche de travers. Oubliez l'arrogance au fond de votre planque. On ne dirige pas la France comme on dirige une banque. Monsieur le Président, remarquez ceux qui plongent, ouvriers, artisans, tour à tour jettent l'éponge. Et les rires en pagaille, ils ne résonnent plus, quand une usine se taille, quand un père s'est pendu. Monsieur le Président, notre belle maison brûle, il est fini le temps des magouilles, des calculs. Admirez nos montagnes, l'océan, les oiseaux, il est temps que l'on soigne la terre de nos marmots. Monsieur le Président, et sauf votre respect, vous offensez grandement votre poste au sommet. Faut être à la hauteur du berceau des Lumières, des poètes, des auteurs, des femmes qui se libèrent. Monsieur le Président, tout en haut de l'échelle, je vous l'accorde pourtant, la vue doit être belle. Mais descendez d'un cran et mesurez la peine de millions de braves gens que vos lois ne comprennent. Monsieur le Président, passez-moi les menottes, faites-moi taire sur le champ, interrogez mes potes. Je ne fais que chanter la résistance, la vie, l'amour, la liberté que le monde nous envie. Monsieur le Président, peut-être m'avez-vous lu, vous n'avez guère le temps, et d'ailleurs moi non plus. J'ai le cœur à combattre l'absurdité humaine, armé d'une feuille à quatre, alors à une prochaine. Alors il faut quand même savoir que près de 15 000 mineurs isolés étrangers ont été enregistrés par l'aide sociale à l'enfance. Rien que l'an dernier, ce sont des jeunes qui ont pris forcément de nombreux risques pour avoir une vie meilleure, loin de leur pays, mais surtout aussi loin de leur famille. Bonjour Falmarès. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter votre destin, votre histoire absolument dingue. Vous avez 22 ans, vous avez fui votre pays à l'âge de 14 ans seulement, vous étiez un bébé. Vous étiez tout seul et aujourd'hui, vous publiez un recueil de poésie qui s'appelle « Catalogue d'un exilé ». C'est chez Flammarion. Rien que ça, moi, j'arrive pas du tout à publier chez Flammarion, hein, Falmarès. Donc, franchement, vous êtes hallucinant. On va revenir un petit peu en arrière. Quels souvenirs est-ce que vous gardez de votre enfance ? Ce sont des souvenirs joyeux. Moi, je quitte la Guinée à 14 ans. Je suis né en 2001 à Conakry. Des souvenirs de Koba, qui est à 200 kilomètres de Conakry à peu près, des souvenirs de ma grand-mère et d'un pays à ce moment-là aussi en tension, bien sûr. Oui. Mais auprès de ma grand-mère, auprès de la famille, c'était plutôt des bons souvenirs. Il y avait de la douceur. Oui, et aussi sa simplicité qui m'intriguait, sa façon de faire, de vivre aussi avec tout ce qui l'entoure, ses voisins, ses voisines, et aussi avec la nature, parce que c'est quelqu'un qui était en adéquation avec la nature. Elle faisait le travail champêtre, et elle faisait aussi la récolte du sel aussi. Parce que Koba, c'est un village qui me rappelle justement la région de la Bretagne en France. Ah oui, donc il y a effectivement la récolte du sel, la pêche aussi. Oui, la pêche aussi. Donc vous participiez à toutes ces activités-là, donc une enfance heureuse jusqu'au moment où il va y avoir un drame. Oui, absolument. Ma mère décède en 2015, quand j'avais 14 ans, et aussi là, tout se bouleverse. Mais bien avant ça, voilà, il se sépare d'abord avec mon papa pendant 3 années. Et nous, parce que je ne suis pas seul, j'ai aussi un petit frère de 2 ans de moins que moi et une sœur. Et puis j'ai aussi 3 demi-frères. D'accord. Et nous, mon père et ma maman se séparent. On vient à côté de ma grand-mère maternelle. On passe de moments joyeux aussi. Mais après, ils se réconcilient. Quand ils se réconcilient, on retourne à Conakry. Et là, après quelques années, ma maman décède. Quand elle décède, c'est là où tout bascule. Elle a eu une maladie. Ouais, elle tombe malade. Elle nous dit un jour qu'elle a mal à la tête. On ne comprenait pas tout ce qui se passait. On l'envoie dans un petit hôpital à côté. Et en moins de 10 jours, elle est morte dans les conditions terribles et qu'on ne comprenait absolument pas. Elle est morte de quoi? Mais encore plus douloureux, elle est morte sans même nous reconnaître, nous, ses enfants, sans même savoir nous parler, sans savoir faire quoi que ce soit d'elle-même. Donc un choc terrible pour vous, Falmarès, il faut le dire. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à quitter la Guinée ? D'abord, c'est des choses qui restent familiales après son décès à ma maman. Et rien n'allait dans la famille. Ma petite sœur est partie avec la tante vivre chez ma tante. Et moi, mon petit frère, on est resté chez le papa. Il y avait aussi la belle-mère. Et là, tout a bouleversé. Donc, ça reste des choses familiales, des violences qui restent dans la famille. Il y a eu des violences, en fait. Oui, qui m'ont poussé à quitter justement la Guinée. Au départ, c'était juste quitter parce que je me sentais en danger et j'ai décidé de partir. J'ai pris mes affaires un matin, je suis parti. Alors vous êtes parti, mais avec quel argent et pour où ? Je voulais juste partir, juste m'enfuir. C'était vraiment quitter la famille, quoi. C'était l'urgence de quitter cette violence. Oui, absolument. J'ai pas réfléchi et j'avais un peu d'argent de côté. J'ai pris un taxi brousse à Conakry pour Bamako directement, sans trop réfléchir. Après Bamako, vous êtes allé où? Vous aviez à manger quand même? Vous aviez pris quelques vivres? Oui, j'avais des biscuits et de l'eau aussi pendant quelques jours, et aussi ce qu'on appelle l'amidon de manioc aussi, qu'on fait monter avec un peu d'eau, un peu de sucre qui permet de tenir pendant toute une journée quasiment. C'est ça, pour pouvoir avoir l'estomac plein. Oui. Donc vous partez à Bamako, ensuite de Bamako vous faites quoi? Bamako, je me cache dans une benne pour Gao, c'est comme ça que je me retrouve aussi à Gao, et il y avait aussi d'autres... Vous ne saviez pas, vous vous cachez dans la benne, mais vous ne savez pas où vous allez en fait. Je ne savais absolument pas, et c'était juste fuir dans cette urgence. Là. Et je tombe sur des jeunes et qui étaient là, et ensuite la benne nous conduit jusqu'à la frontière algérienne. On passe quand même plus de 2 semaines de trajet dans des conditions terribles. Oui. Et vous arrivez à Alger? Oui, à Alger. J'arrive pendant l'hiver, quasiment, parce qu'il pleuvait, il y avait la neige, il faisait très très froid, je me souviens. Et vous, en plus, vous êtes habillé, vous venez d'un pays très chaud, au contraire. Comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? J'étais dans la rue, je ne savais pas quoi faire, je ne connaissais personne, et pendant quelques jours, un monsieur s'arrête dans un camion, il me demande qu'est-ce que je fais là au milieu du chemin, il me demande de monter dans son camion, et il m'envoie dans un chantier à Alger, un immeuble de 10 étages à peu près, il me demande de dormir là. Donc au chaud, je rencontre aussi d'autres jeunes de différentes nationalités, ivoiriens, maliens. Ça vous a aidé, ça, justement, de à ce moment-là rencontrer des jeunes qui étaient dans la même situation que vous? Ça m'a sauvé parce que du froid, de aussi. Il y avait de l'entraide. L'entraide aussi, et c'était dur, parce que de travailler dans un chantier de bâtiment, quelque chose que je n'imaginais absolument pas dans ces conditions-là. Mais cette solidarité. Et ce patron, il va vous prendre sous son aile. Il va même vous présenter sa famille. C'est que je n'attendais absolument pas. Qui m'a surpris d'ailleurs. Il me présente à son papa. Il m'envoie dans sa famille, un Algérien. On discute, on passe du temps toute l'après-midi à boire du thé. Il m'offre du thé. On discute, on parle de plein de choses. Et en plus de ça, il me parlait de la littérature. Il me demandait, mais pourquoi tu es si jeune? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui te pousse à venir ici dans ces conditions-là? Et il me prête des livres. Je me souviens de Amadou Ampateba, un écrivain malien. Et c'est comme ça, pour la première fois, j'ai un roman en main. Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore? Faudrait le demander aux morts. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds et les mains attachés. Et j'avais peur et j'avais froid, un homme m'a dit calme-toi. Un homme qui était différent, sans armes il portait des gants, une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid. L'homme m'a dit, écoute-moi, je vais te poser une question, la vie de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyons, de l'Australie australe. je ne risquais pas de me tromper. On ne m'avait jamais parlé des grandes villes qui ont des noms si fiers. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, j'ai dû pleurer aussi, je crois. Mais l'homme a eu comme un sourire, et puis je l'ai entendu dire: c'est un brave homme, coupez ses liens, ton enfant tu l'éduques bien. Car tu as le sens du devoir, chacun son dû et son savoir, ils sont partis au petit matin clair. J'ai couru me blottir dans les bras de mon père. Il m'a serré fort contre lui, j'ai honte, tu sais mon petit. Je me demandais cette guerre, pour quelle raison j'irais la faire. Mais maintenant je puis le dire, pour que tu saches lire et écrire. J'aurais voulu le retenir, alors mon père m'a dit mourir. Pour des idées, ça n'est qu'un accident. Je sais lire et écrire, et mon père est vivant. Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Se désole en disant fermez votre gueule à tous ces hommes politiques qui cultiver leur popularité dans la population israélienne qui est effectivement à bout dans ce contexte, en rajoute dans l'extravagance et qui se retrouve ensuite cité comme preuve de volonté génocidaire à la haie. Donc il y a ce paradoxe avec la dimension d'hypocrisie dont parlait Isabelle tout à l'heure et qui est présente dans tous les aspects de cette crise, c'est qu'il y a aussi des élections en Afrique du Sud, que l'ANC est en mauvaise posture, qu'elle est aujourd'hui le héros du tiers-monde en prenant le manteau de le défenseur des Palestiniens. Donc on a à chaque fois cette ambivalence permanente, quelle que soit la manière dont on traite le sujet. Mais il faut pas négliger, on a tendance parfois à dire ce qui s'est passé à La Haye n'est pas important, c'est du cinéma. Je pense que c'est très important en termes de la bataille des opinions publiques et on le voit bien à chaque fois, Israël ne comprend pas, alors qu'ils s'estiment victimes, comment ils sont mis en accusation aujourd'hui dans le reste du monde et comment ils peuvent se retrouver de plus en plus marginalisés et devenir progressivement un pays paria, là où ils estimaient le 7 octobre qu'ils étaient la victime. Et justement, Israël a pris ça très au sérieux parce que l'un des juges qui est allé défendre la cause israélienne, c'est Aaron Barak, qui est un juge quand même très emblématique. Il a été celui qui a rendu illégale l'utilisation de la torture par les services de sécurité intérieure en Israël. Il a été aussi celui qui a statué sur les cibles, les assassinats ciblés. Et ça, c'est très important parce que il avait déclaré qu'un assassinat ciblé, c'est si on vise un combattant, notamment sur une affaire d'un combattant de Azedin Qassam qui avait été tué par Israël. Si on le cible directement par un sniper, c'est légal. Mais si on cible un terroriste alors qu'il se trouve au milieu de civils, là, c'est illégal. Il l'avait dit lui-même, il avait statué ça alors qu'il était président de la haute cour, de la cour suprême israélienne. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'Israël a peur d'être en voie de crédible parce qu'elle a peur d'être qualifié d'état génocidaire. Israël prend ça très au sérieux. Et effectivement, l'Afrique du Sud a très bien joué. Le terme génocide n'est pas anodin. Il y a aussi le terme apartheid qui a été utilisé. Effectivement, il y a des élections en Afrique du Sud. On sait très bien que l'ANC est en mauvaise posture. Et pourtant, Israël et l'Afrique du Sud ont des bons rapports, notamment commerciaux. C'est le premier partenaire commercial en Afrique, l'Afrique du Sud d'Israël. Donc, il y a des relations. Ça doit sérieusement rafraîchir les relations. C'est assez intéressant parce que c'est des relations qui ont beaucoup évolué. l'Afrique du Sud était l'un des premiers pays à reconnaître l'État d'Israël. Israël était l'un des premiers pays à condamner l'apartheid, ensuite à revenir sur ses condamnations parce que l'Afrique du Sud était un producteur d'armes, avait une industrie d'armement, donc Israël en D'accord. avait besoin. Et avec et l'ANC s'était justement distancié d'Israël. Et avec les accords d'Oslo, la libération de Mandela, tout ça, ça s'est un peu distendu, ça s'est calmé. Et si vous voulez, les relations n'ont jamais été rompues. Mais là, on voit que la tension monte encore et que l'Afrique du Sud, qui veut jouer un rôle de médiateur, y compris sur le continent africain, puisqu'il y a eu des médiations avec l'Éthiopie pour la guerre au Tigré, eh bien, on voit que l'Afrique du Sud veut porter cette cause et qu'elle y est bien parvenue, notamment avec ces argumentations qu'on a entendues hier. Isabelle Lasserre, comment les Israéliens jugent-ils le fait qu'ils soient traînés ainsi devant les tribunaux et accusés d'être génocidaires? On a vu dans le reportage, évidemment, c'était les proches des otages être scandalisés, mais c'est Netanyahou dit, nous assistons, c'est le monde à l'envers, c'est ce que disait Pierre, l'État d'Israël est accusé de génocide alors qu'il combat le génocide. Ils estiment que c'est eux-mêmes qui ont été l'objet d'un génocide de 7 octobre. Oui, ils disent que c'est le principe de l'accusation inversée, hein, de la même manière que Poutine qui prétend être attaqué par l'OTAN alors que c'est lui qui a attaqué l'Ukraine et qui aimerait bien attaquer l'OTAN. C'est la même chose. Alors vous imaginez bien que pour Israël, c'est assez traumatisant à plusieurs niveaux. D'abord parce qu'il y a la Shoah. Donc évidemment, ça résonne de manière particulière en Israël. Ensuite, parce que les Israéliens se disent, mais nous, quand les Juifs ont été chassés de plusieurs pays du Moyen-Orient, personne n'a crié au génocide. Donc c'est encore une accusation politique. Et là, on retombe dans deux choses dont on parlait tout à l'heure. D'abord, le contexte en fait géopolitique international, qui fait qu'en fait, chaque événement aujourd'hui, en fait, a plusieurs significations et notamment une signification de lutte, de clans, de pouvoir au sein du monde. Enfin, dans cette période de transition avec un ordre international qui s'est effondré, le prochain qui n'a pas encore trouvé sa place, tout le monde essaye d'utiliser absolument n'importe quoi et d'en faire une cause politique pour avancer ses billes sur le plateau international. C'est vrai de la part des Houthis et du Hezbollah qui en fait profitent de la guerre pour essayer de monter leur niveau d'influence, et c'est vrai aussi des pays des BRICS et des pays du sud global qui sont dans cet axe avec la Chine et la Russie. Puis après on retombe sur le côté national, c'est-à-dire le côté israélien, avec les incohérences, ce ne sont pas des incohérences, puisque c'est Benjamin Netanyahou qui l'a choisi, mais avec ce gouvernement, enfin les extrêmes de ce gouvernement, Netanyahou, qui ne font que alimenter, en fait, desservir la cause de la légitime défense après le 7 octobre. Et c'est vrai que ces ministres d'extrême droite tendent la joue pour se faire battre. Donc, il devrait il s'est désolidarisé des derniers propos extrémistes, mais il l'a fait hier parce qu'il y avait une histoire de l'Afrique du Sud. Mais en fait, c'est une faille dans laquelle tout le monde s'engouffre. Général Patrick Dutartre, est-ce à dire que Israël a perdu la bataille de la communication et qu'il serait temps que l'opération militaire qui se déroule à Gaza et qui dure depuis maintenant 3 mois se termine? Et d'ailleurs, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est toujours sur Israël qui a ravagé tout le nord de la bande de Gaza et qui est bien embêté parce que dans le sud, il y a quand même maintenant toute la population qui s'est réfugiée et qui survit dans la boue en plein hiver? Non, mais je vais répondre à cette question. Je vais juste faire un tout petit commentaire dernier sur l'Afrique du Sud. C'est quand même un des pays qui s'est abstenu dans la dernière résolution de l'ONU qui condamnait, en fait, qui demandait le retrait des forces russes d'Ukraine. L'Afrique du Sud, elle s'est abstenue. Donc elle joue la carte du Sud global, c'est ça? Elle joue la carte du Sud global, mais elle jouait même contre l'Ukraine, c'est-à-dire qu'elle jouait pour la Russie. C'est quand même aussi, on a un monde paradoxal. Hein. Ouais. Alors s'agissant plus précisément de votre question sur la situation militaire dans la bande de Gaza... Est-ce que c'est ça qui alimente aussi le fait que on les traite de génocidaires? C'est ce qui est la façon dont se déroulent les choses à Gaza. Bah oui, c'est un peu paradoxal, et puis on va laisser les jugements se faire, mais c'est vrai qu'Israël est parfaitement conscient du combat, de la communication, tellement c'est important. S'agissant de la situation militaire à Gaza, à Gaza La phase 1 était assez claire, c'est-à-dire la partie nord, on essaye de détruire tout, d'une part les combattants militaires du Hamas, hein, d'autre part de récupérer des otages si possible, et de détruire tous les tunnels. Parce que c'est là qu'il y avait le siège du Hamas, hein, c'était dans le nord. Le siège initial. Et effectivement, c'est ce qu'on pensait, mais en fait, ce siège-là, à partir du moment où on a demandé à la population, les Israéliens ont laissé 15 jours à la population pour descendre dans le sud, il y a beaucoup, bien sûr, de responsables militaires qui sont partis dans le sud. Il y en a certains qui sont restés, et cette phase-là est quasiment terminée. Maintenant, la difficulté pour Israël, effectivement, c'est d'aller récupérer, si possible, des otages et détruire ou annihiler les forces militaires du Hamas dans la zone sud. Et ça, c'est extrêmement compliqué, parce que vous avez 2 millions de Palestiniens qui sont là, et je pense qu'il serait bon que... Donc c'est très délicat à faire militairement, et je pense que les bombardements purs devraient cesser. En fait, sur cette zone sud. Par contre, continuer les actions militaires pour toujours essayer de détruire les tunnels et essayer de récupérer les otages et puis annihiler les forces militaires du Hamas. Et je pense aussi qu'il y a une négociation qui pourrait se faire. Donc c'est dans le mode d'action au sud qui ne peut pas être exactement le même que dans le mode d'action au nord. Alors, depuis le 7 octobre, une peur s'est installée chez de nombreux Israéliens, celle de subir le même sort que les habitants des kibbutz près de Gaza. Du côté des villages situés près de la frontière avec la Cisjordanie, cette crainte est devenue une obsession, au point que certaines municipalités ont choisi de se barricader et même d'armer leurs habitants, comme vous allez le voir dans ce reportage de Juliette Perrault, Pierre Dehorne et Nicolas Baudry-Lasson. L'une des communautés orthodoxes les plus importantes du pays. Mais à Elad, tout a changé depuis le 7 octobre. La religion côtoie les armes. De simples citoyens surveillent les arrêts de bus à la sortie des écoles. Shmuel Ilman est l'un d'entre eux. Le père de famille fredonne, mais il est inquiet. Tout paraît calme, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Si quelque chose va se passer. Depuis quelques semaines, ce scribe chargé d'écrire la Torah a rejoint la milice municipale et troqué sa plume pour une mitraillette. Porter une arme n'est pas une nouveauté. Mon pistolet, je l'ai toujours eu avec moi. Mais la méfiance vis-à-vis de ses voisins palestiniens a considérablement augmenté. Ici, on a une bonne vue des villages palestiniens. La Cisjordanie n'est qu'à quelques kilomètres. La ville palestinienne voisine, visible à l'œil nu. C'est encore plus près que la distance qui séparait Gaza des kibbutz le 7 octobre. C'est vraiment beaucoup plus près. S'ils veulent faire quelque chose, ils peuvent facilement nous atteindre. L'inquiétude est un avertissement lancé aux Palestiniens. Ils feront tout ce qui est possible pour nous chasser d'ici. Pour le dire gentiment. Cette attaque nous a fait réaliser que ce n'était pas une blague. Tout le monde l'a compris. Même les gens qui étaient plutôt de gauche. Maintenant, ils vont voir. Nous aussi, on va parler le même langage qu'eux. Dans l'immédiat, Elad se barricade. Une barrière de sécurité a été construite en quelques semaines tout autour de la ville. Chaque fois que quelqu'un touchera la barrière ou l'approchera, l'alerte sera donnée et la police arrivera immédiatement. Pour le maire adjoint, armer les citoyens est vite devenu une évidence face à ce qu'il considère comme un échec de l'armée et de l'État le 7 octobre. J'ai rassemblé tous les hommes de la ville qui avaient des armes. Et on s'est organisé entre nous pour que si jamais un terroriste entre quelque part, tout le monde soit informé en attendant que l'armée arrive. Pendant ces quelques minutes, en attendant que les forces de l'ordre arrivent, il faut qu'on soit déjà armé et prêt à se battre. On est très déçus par l'armée et par les services de renseignement de notre pays. On est aussi très déçus d'une partie de notre gouvernement. Oui, vraiment. Très déçu. Le dispositif rassure en tout cas les voisins immédiats. 20 ans que Jacob habite juste en face des territoires palestiniens. On en est où des caméras ? Hier, il y a eu un appel d'offres. Je pense que dans un mois, on les aura avec des capteurs. Elles seront installées sur tout le long de la barrière. Moi, je ne crois pas les Arabes. Vous ne leur faites pas confiance ? Non. Pourquoi ? Parce qu'ils sont différents de nous. ne veulent pas la paix. Ils ont eu plusieurs opportunités pour le faire, mais ils les ont toutes manquées. À Elad, un point de non-retour pourrait bien avoir été atteint. La perspective d'une coexistence pacifique s'éloigne chaque jour un peu plus entre les deux voisins. Isabelle Lasserre, c'est terrible parce que on s'aperçoit que pour les Israéliens, le danger ne vient plus uniquement de Gaza, mais pour reprendre ce que vient de dire cet Israélien, il voit dans tout Palestinien, dans tout Arabe, pour reprendre son mot, il voit une menace, un danger. En fait, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, le sujet, c'est que la réaction des Israéliens. On pourrait faire le même reportage du côté palestinien, qui dirait exactement la même chose. On a peur d'eux, ils vont nous tuer, ils veulent nous chasser, et les colons viennent nous prendre nos terres, nos oliviers, etc. C'est ce qu'ils font en Cisjordanie. C'est ce qu'ils font en Cisjordanie. Et donc vous avez cette situation où on voit bien que 30 ans de pourrissement de cette situation depuis l'échec d'Oslo n'a fait que provoquer la catastrophe qu'on voit aujourd'hui. Donc on peut dire, on va abattre le Hamas, on va abattre le Hezbollah, on va abattre l'Iran, etc. Vous ne pourrez pas faire l'économie d'une solution politique pour le peuple palestinien. Voilà, il n'y a pas de peuple qui acceptera éternellement d'être privé de son autodétermination. Et c'est ça la leçon aussi que Netanyahou ne veut pas voir, parce que c'est le contraire de tout son programme. Et donc, la poursuite de la guerre, pour lui, c'est aussi une manière de ne pas faire face à sa responsabilité historique, qui est d'avoir conduit le pays dans une impasse. Et c'est toute la question de l'après-guerre, c'est-à-dire à la fois le règlement de compte sur les failles de sécurité du 7 octobre, mais aussi la question politique de qu'est-ce qu'on fait dans cette région, est-ce qu'on va vivre avec éternellement avec des caméras machin et qu'on va mettre des systèmes de plus en plus perfectionnés de sécurité. On sait très bien que c'est un sparadrap qui durera un moment et puis que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous croyez que les enfants qui grandissent aujourd'hui à Gaza, ils vont être les artisans de la paix de demain, ils seront les terroristes dans 20 ans parce que s'il n'y a pas de solution politique. C'est ça toute la contradiction de cette période et comme personne ne voit la solution, personne ne sait comment la résoudre cette équation, bah on fait comme si on continuait à avancer sans dire véritablement. Allez. La menace vient pas des outils, mais même si bien sûr il faut la négliger, il faut regarder compte tenu de la performance technique des missiles, de la distance et du prix à vie que vous pouvez avoir. Les derniers tirs qui ont eu lieu sur Jérusalem, c'est le 15 décembre je crois, une date de d'autres, où il y avait 6 roquettes qui avaient été tirées de la bande de Gaza et 3 étaient interceptées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucun dôme, si vous voulez, à 100%. Par contre, la plupart peuvent être interceptés, en tout cas tous ceux qui sont connus. Et d'ailleurs, c'est une des raisons aussi des opérations d'Israël en Gaza, c'est de supprimer toute cette menace de roquettes qui tombait presque quotidiennement sur Israël. Pierre Aski, question de Thierry en Charente-Maritime. Quelle est la position de la Chine qui doit également être pénalisée par la perturbation du trafic maritime en mer Rouge? C'est une excellente question. Eh ben voilà. Parce que on est dans une situation très paradoxale. Les bateaux qui sont aujourd'hui pénalisés en mer Rouge, ils transportent quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ces conteneurs? Des produits made in China. Vous le disiez tout à l'heure, l'usine Tesla de Berlin est à l'arrêt. De Berlin est à l'arrêt parce que les bateaux doivent faire le tour du Cap de Bonne-Espérance et donc les pièces, on est en flux tendu, les pièces n'arrivent pas. Or ces pièces, elles arrivent d'où? Elles arrivent des usines de Chine. La Chine aurait toutes les raisons aujourd'hui d'avoir sa flotte en mer Rouge pour garantir la liberté de navigation. Elle ne le fait pas parce que elle a privilégié sa posture diplomatique en direction du Sud global. Donc on est les amis du Sud global, on est les amis de la cause palestinienne, on est les amis des peuples arabes et donc on n'intervient pas militairement aux côtés de qui? Aux côtés du rival américain, avec lequel il y a cette opposition stratégique qui est structurante dans la politique internationale aujourd'hui. Et donc, les Chinois ne font pas ce qui serait dans leur intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas une petite incohérence, un petit peu d'hypocrisie pour reprendre ce dont on parlait tout à l'heure? Bien sûr, et on est face à, mais c'est aussi très révélateur de ce qu'est Xi Jinping, le numéro un chinois, qui privilégie une approche idéologique à ce qu'on appelait autrefois comme une grande qualité, le pragmatisme chinois. Le pragmatisme chinois, ça serait aujourd'hui d'intervenir pour protéger les bateaux. L'idéologie, c'est de sacrifier ses intérêts économiques pour un objectif politique qui est déterminant. Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mai. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. Ce drôle de bruit, je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange, est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant, et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence a hurlé à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux. Une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mai. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi, réveillez-moi. La liberté aux côtés de la France. Dans les programmes, ce n'est pas enseigné. On fait juste allusion aux tirailleurs, mais vraiment, on ne raconte pas leur combat. Les tirailleurs ont payé le prix fort. D'après les historiens, près de 3000 d'entre eux ont été exécutés par l'armée régulière allemande en 1940, en marge des combats. Aucun ordre n'avait été donné par la hiérarchie. Seul le préjugé racial serait en cause. On a pensé longtemps que ce massacre avait été perpétré par des SS, et en fait non, il s'agissait de soldats de la Wehrmacht, et cela, on a pu l'attester grâce à la découverte de photos en 2019, prises par un soldat allemand, et qui nous permettent d'identifier très clairement l'unité qui est en cause. Dans cet album, ce soldat allemand, qui est complètement anonyme, hein, on ne connaît pas son nom, raconte sa campagne. Et en plein milieu de cet album, vous avez 8 photos qui relatent le massacre en direct de l'arrivée des tirailleurs, leur mise à mort, et jusqu'à la fin où on voit un blindé qui va partir à la poursuite des tirailleurs qui n'ont pas été fauchés par les premières balles. Parmi les familles présentes à la cérémonie, les descendants du Sénégalais Djibi Koulibaly. Aujourd'hui, ils habitent en région parisienne et pour la première fois, ils viennent se recueillir sur la tombe de leur ancêtre. C'est le père à ma maman. Je suis là pour honorer, voir sa tombe. Je suis là pour ma maman aussi. Grâce au matricule du soldat et au site Mémoire des Hommes,

France Monde, jeudi 25 janvier 2024, politique. Loi immigration, l'heure de vérité. Des manifestations ont réclamé le retrait d'une loi inspirée par l'extrême droite. Loi inspirée par l'extrême droite. Ah, dis-moi qui tu fréquentes, monsieur Macron, je te dirai qui tu es. Voilà, donc... Ensuite, le mythe des agriculteurs est très puissant en France, guillemets avant, guillemets après. Hein. Alors, qui a prononcé cette phrase historique? Eh bien, c'est Jean-Daniel Lévy. Jean-Daniel Lévy, sondeur, directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Harris Interactive. Oui, hein? Ah oui, on le voit beaucoup à la télé, sur certaines chaînes. Oui, oui, c'est un bon conseil. Selon l'Observatoire de la mobilisation des agriculteurs de Tolunaris Interactive, 92% des Français soutiennent le mouvement des agriculteurs. Pourquoi? Ouais. Bon, enfin bref, il y a des gens comme ça qui ont le droit de parler à la télé. C'est pas forcément populaire. La fraude agricole s'intensifie. Eh ben, on verra. On verra à quoi ça aboutira tout ça. Ça peut être très étonnant. Ça peut nous amener à une situation très, très inquiétante. Ouais. Avenir des termes. Plombière. Des investisseurs chinois approchés par Jean Ingré. Des investisseurs chinois approchés par Jean Ingré. De son voyage parlementaire en Chine, le sénateur Jean Ingré est revenu avec le sentiment d'avoir bien défendu les termes de Plombières-les-Bains auprès d'investisseurs chinois. Il attend des retours. Un médecin reconnu dans le monde entier est également prêt à s'engager. Reste le prix, paraît-il, jugé extravagant. Hein? Bon. La bergerie de Stréture constate une baisse de la natalité. Tiens, il n'y a pas que les humains qui ont une natalité en baisse. Manuel Bompard est à Marseille. Présent ce matin au 81e anniversaire des rafles de Marseille, du 22 au 24 janvier 1943, 20 000 juifs, tziganes, étrangers et résistants sont raflés et plusieurs centaines déportés au camp d'extermination ou de concentration. Ne jamais oublier, pour que jamais l'histoire ne se répète, L'embarras de Marine Le Pen après son vote pour augmenter les frais de mandat des députés. Hier, à l'exception des insoumis, l'ensemble des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale a acté une rallonge des frais de mandat des députés. Ils ont des frais, les députés. Renaissance, LR, RN et les autres partis ont tous acté cette hausse de 300 euros qui n'a pas tardé à déclencher la polémique. Alors que les mobilisations des agriculteurs se poursuivent et que l'inflation frappe durement l'ensemble de la population. Ce matin, Marine Le Pen a du mal à cacher son embarras en conférence de presse, hachant ses mots et avouant avoir mal lu l'ordre du jour. Pour la présidente du parti d'extrême droite, il s'agit là d'un raté. Une nouvelle preuve de l'incompétence de l'arnaque sociale du parti d'extrême droite qui a immédiatement suscité de nombreuses réactions indignées, à commencer par les agriculteurs mobilisés ainsi que les députés et militants insoumis. Ben c'est bien. Quand le vernis craque, la vraie nature du RN apparaît. C'est un parti bourgeois au service des puissants, a pointé Manuel Bompard sur Twitter. Manuel Bompard, et il a dit des vérités. Quant au rang macroniste, Yaël Braun-Pivet a choisi, elle aussi, le mensonge comme ligne de défense, déclarant « Tout le monde a voté pour cette rallonge ». Fermons les guillemets. La dernière phrase, c'est « Tout le monde, oui, virgule, sauf les insoumis ». Alors, il y en a un qui a ajouté au crayon en bas, parce qu'il reste un peu de place sur la feuille, « 3000 enfants dorment dans la rue !» Point d'exclamation. Vous avez peut-être voté Macron, Sarkozy, point d'interrogation. Et pour clôturer en beauté l'année 2023, le président des riches remet la Légion d'honneur à Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. les gueux, taisez-vous, je vous hais. Compris ? La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Et c'est signé François Mitterrand. Hein ? Ah, c'est déjà la vieille histoire, hein ? François Mitterrand. Et de temps en temps, il voyait clair. La Cour de justice de l'ONU met en garde Israël, accusé de génocide. Israël doit prévenir tout éventuel acte de génocide et permettre l'accès de l'aide humanitaire à Gaza, a statué vendredi dans un verdict très attendu la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, Organisation des Nations Unies, sans toutefois évoquer le cessez-le-feu. Ah. Guerre en Ukraine, la tension monte encore entre Paris et Moscou. Alors y a-t-il un lien entre l'affaire de Palestine et l'affaire de d'Ukraine ? Non, non, enfin apparemment non. Les relations entre la France et la Russie au sujet de l'Ukraine se tendent ces derniers jours. Paris dénonce en une campagne de désinformation menée par Moscou, qui fustige de son côté la frénésie militariste française après des annonces de livraison d'armes à Kiev. États-Unis, exécution par inhalation d'azote, virgule, une première cruelle, entre guillemets cruelle. Macron et Modi renforcent leur alliance. En Inde, Vatican, le pape défend la bénédiction des personnes de même sexe. Stage obligatoire en classe de seconde, opposition en Moselle. Le caractère obligatoire et surtout la crainte qu'il s'agisse d'un fauné, du service national universel bientôt généralisé inquiète une partie de la communauté éducative. En Moselle, un collectif relaie l'appel national à dire non au stage de seconde et veut mobiliser contre la militarisation en cours de notre société. Militarisation en cours de notre société. Un cri d'amour et des mesures qui n'éteignent pas la grogne. Confronté à sa première crise, le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu en Haute-Garonne vendredi, où il a multiplié les annonces pour tenter d'apaiser la colère des agriculteurs. Des mesures d'urgence, saluées mais jugées insuffisantes pour lever la mobilisation. 5 ans de prison pour avoir frappé ses enfants pendant 10 ans. Remiremont. Pendant 10 ans, à la moindre contrariété, un père de famille de Remiremont a frappé sa conjointe, la fille de celle-ci et leurs deux enfants. Si l'alerte a été donnée par sa fille de 16 ans, la famille est malgré tout restée soudée. Derrière le prévenu, il a écopé de 5 ans de prison ferme. Voilà, pendant 10 ans, il frappait régulièrement ses deux enfants, mais aussi sa conjointe et la fille. Voilà, et ça c'est... Voilà. Non, la société n'est pas responsable. Seulement l'individu en question. Seulement lui. Seulement lui. Une société moderne n'est pas capable de fabriquer de la criminalité. Elle n'est pas capable de pousser des individus progressivement vers la criminalité. Non, non. Non. Seul l'individu est responsable. Vosges, déçu des annonces, les agriculteurs toujours déterminés. Perplexes après les annonces de Gabriel Attal, les agriculteurs vosgiens restent mobilisés en attendant des réponses plus concrètes dans les prochaines semaines. Le vendredi, ils étaient 300 à faire valoir leurs revendications sur l'A31 à hauteur de Bulnéville. Désormais, ils réfléchissent à d'autres actions pour les prochains jours. Voilà. Alors... des fois, ça peut arriver qu'on vote à droite, puis qu'après, on soit déçu. Eh oui, ça peut arriver. Oui, oh oui, dans tous les domaines, dans toutes les professions. Enseignants, la grogne monte avant la manif du 1er février. Le couperet est tombé à la rentrée 2024. L'Académie Nancy-Metz devra rendre, 120 postes d'enseignants dans le premier degré, 54 dans le second. Voilà. Alors, la région qui devrait enregistrer un recul de 3641 élèves. Ah, bon, tiens. Manque de naissance, peut-être. À cause du manque de débouchés. Élections européennes, les défis d'une union à 36 États. La guerre en Ukraine a ouvert la porte à une nouvelle vague d'adhésion à l'Union européenne. Mais elle est grosse de nombreux défis. De nombreux défis qui ne peuvent être ignorés. Voilà. Sans le franco-allemand, l'Europe s'arrête. Ouvrons, fermons les guillemets. Bocquenier. Bientôt des éclairages solaires rue des Moises. Ah oui. Dogneville. De nombreux travaux au programme de 2024. Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, les nombreux projets de la commune pour cette nouvelle année ont été évoqués. Le programme comprend entre autres la pose de panneaux photovoltaïques non loin de l'aérodrome, des travaux à l'église, mais aussi la construction de nouveaux groupes scolaires. Alors, 24 000 panneaux photovoltaïques seront installés sur un terrain délaissé à proximité de l'aérodrome. Colère agricole, pas si simple de simplifier drastiquement. La volonté de simplification des normes domine la rentrée des agriculteurs aux organisations patronales, avec la promesse d'une loi en mars, mais le bon sens rencontre vite ses limites. On a 360 000 normes en France. Pour les connaître toutes, il faudrait l'intelligence artificielle générative. Et oui. Et l'intelligence artificielle qui remplacerait les députés, les sénateurs, les ministres, etc., etc. Ah, oui. On a appris avec les robots à se passer les muscles des OS. On a mis beaucoup d'OS au chômage, en les privant de métiers mal payés et pénibles et dangereux. Et bien maintenant, on va permettre aussi d'économiser l'énergie des, entre guillemets, intellectuels. Les robots, l'intelligence artificielle va remplacer le cerveau humain, qui est très performant. Hein. On l'a vu, la guerre de 70, la guerre de 14, 39-45, la guerre d'Indochine, la guerre de l'Algérie, etc., etc. Hein. L'intelligence humaine, elle est supérieure à tout ce que la nature peut faire fabriquer par ailleurs. Hein. Ah oui. Près de 100% des cancers du col de l'utérus proviennent d'une infection par l'une des formes agressives du papillomavirus. Gynécologue obstétricienne au CHRU de Nancy, la docteure Sophie Arter, conseille donc la vaccination à titre préventif et de suivre à la lettre les recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière de dépistage. Voilà. Apprendre et enseigner en prison, c'est franchement gagnant. Des barreaux aux fenêtres de lourdes portes qui s'ouvrent et se referment bientôt à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, qui dans ses salles de classe très demandées, accueille des détenus qui apprennent, s'évadent et préparent leur sortie. Alors peut-être que si l'école et la société, et la télévision, et les journaux, etc. avaient mieux fonctionné, les prisons françaises et autres serait loin d'être pleine. Hein. Eh oui, si on fait de la prévention, hein, c'est mieux que la répression.